it down there. Oh, he got it! He got it! He got it! Touchdown! Touchdown! He did it! He did it! Cody did it! But here's a shot! Henderson made a wild stab toward Spell. Here's another shot right by the shore! Et c'est capté. Julian Fairley file jusqu'à la zone des buts. Touché pour la rougeur. The ball is still loose as they get it to Rogers. All the band is out on the field. He's going to go into the end zone. He's going into the end zone. The band have won. Et ce que vous venez d'entendre, c'est le son Cogeco, car les Patriots ont gagné, remporté le match contre Western. Pourquoi on fait jouer ça aujourd'hui et pas la semaine passée? Ben écoute, parce qu'on continue avec les Patriots cette semaine. Pierre-Luc, simplement parce qu'il se dirige le championnat national, je pense que c'est le gros thème de l'émission aujourd'hui. Il se dirige vers le championnat national, il décolle aujourd'hui, donc on va aller leur souhaiter bonne chance. Certainement. La voix que vous attendez derrière le micro, c'est Nicolas Duchamp, comme à chaque mardi matin à l'inconduite de partie, toujours avec Pierre-Luc. Oui, et de retour. De retour Pierre-Luc. À l'heure ce matin. À l'heure. Je m'en ai pas de bitcher à nom, mais c'était J'ai pour le 3, 4 cadrans pour être certain. C'est l'air d'un bobette pis tout, là. Ouais, c'est ça. On a pris tes conseils en main. Parce que pour ceux qui étaient pas là la semaine passée, j'ai fait de l'animation seul pendant environ une heure. Puis elle qui somnolait. C'est des choses qui arrivent. Oui, c'est des choses qui arrivent. Jusque, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. C'est moins pire, mettons, qu'une job de dépanneur, tu sais. Ouais. C'est pire qu'une job de dépanneur. C'est pas mal pire, ouais. Mais je m'étais débrouillé quand même correct. Ben oui, t'as bien fait ça. Je suis polyvalent. Hey, cette semaine à l'émission, écoutez, on a plusieurs sujets en main quand même. C'est une grosse émission, disons, là. Toi, le hockey junior qui commence les séries. Les séries éliminatoires, la première ronde qui a débuté cette fin de semaine. On a eu de très, très, très bons matchs jusqu'à maintenant. Puis les séries jusqu'à maintenant sont très, très bonnes. Je te dirais que ça me surprend beaucoup. Il y a des équipes qui me surprennent jusqu'à maintenant. Puis on va en reparler bien sûr plus tard. Plus serré qu'on s'attendait dans certaines séries. Exactement. Donc, on va regarder ça. On a aussi March Madness qui a commencé en fin de semaine. Oui. Puis Luc, t'as fait ta braquette. Oui, j'ai fait ma braquette. J'étais en train de corriger ta braquette, voir tes choix. On va en reparler tantôt avec JP. Nous, moi et JP, on a fait nos... Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une braquette, c'est un peu... Bon, dans le fond, on a le March Madness. T'as 64 matchs en tant que tel. C'est de choisir, bon, qui va gagner les... Pas 64 matchs, mais 64 équipes. 32 matchs en première ronde. Après ça, bon, ben, ça découle. On va regarder, bon, qui a eu les meilleurs résultats en tant que tel dans nos prévisions. J'ai bien hâte de voir, toi qui connais absolument rien, à quel point tu as eu des bons résultats contrairement à nous. Par contre, je peux dire une chose, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de surprises donc dans la première ronde. Je serais pas étonné que tu sortes de là avec... Ça va peut-être m'aider. Ça peut juste t'aider, tant qu'à moi. Ou ça, on va parler des Patriots, on a une multitude de nouvelles, comme d'habitude. Donc, allons-y avec les Pats, les Patriots de l'UQTR. Le championnat national, ça débute ce jeudi. OK. L'horaire en tant que tel, vois-tu, je t'explique ça. 25 mars, ça c'est jeudi, j'espère juste que je ne me suis pas trompé. C'est ça, 25 mars, hein? Oui, hein? Je dis pas n'importe quoi. Les Pats vont... Bon, écoute, ils décollent ce soir à 6h30 de Québec. Ils vont faire une escale, c'est, je pense, Toronto. Et ensuite, en tout cas, ils vont être partis. Ils s'en vont vers Thunder Bay. C'est à Thunder Bay, c'est loin. Le Thunder Bay, ça ne peut pas se faire en autobus, vraiment. C'est aussi loin que la Floride, quand tu y penses. Là. Donc, c'était un gros bout de Thunder Bay. Les premiers matchs, voyez-vous... Aussi loin que la Floride. Hein? Aussi loin que la Floride. Ben, c'était 25 heures de route. Ouais, mais c'est parce que t'as pas c'est pas droit, genre. Ben, Thunder Bay, t'es quasiment... C'est dans le sud, tu sais, que... Thunder Bay, non, Thunder Bay, c'était à l'extrémité ouest. C'est au bout du lac supérieur. OK, c'est comme la Thunder Bay. Ben là, je parle en termes d'agriculteur, là, mais Thunder Bay, c'est... Si tu vas envoyer tes... C'est un gigantesque port Thunder Bay. Parce que si tu vas envoyer tes grains, c'est la place où est-ce que les trains viennent se terminer pour envoyer les grains par le lac supérieur, les lacs et la voie maritime du Saint-Laurent, dans le fond. Donc, c'est un bout de Thunder Bay. T'es beaucoup plus proche du Manitoba que... T'es plus proche de Winnipeg que de Toronto ou même... parce qu'il faut que tu passes Sudbury et tout ça. Donc, mais s'ils prennent le chemin que je me doute, il faut que tu passes par l'Abitibi. OK, pour te pas te taper les Ottawa puis tout ça puis la ville, tu montes direct en Abitibi, mais en autobus, ils prendront pas ce chemin là parce qu'ils sont en avion, mais tu prends l'Abitibi normalement, tu tournes à gauche quand tu arrives en Abitibi, puis tu prends la c'est une transcanadienne dans le fond là qui descend direct en Thunder Bay, passe par les magnifiques villes de Hearst et je pense Sudbury, là. Wow, c'est des beaux coins. Donc, écoutez, ça débute en après-midi, à 2h de l'après-midi. Tout ça, ça se joue au Fort Williams Gardens. Donc, j'espère juste, j'ai pas magané le nom de l'aréna, me semble, c'est ça. Donc, Manitoba va affronter McGill. Vois-tu les pools, comment ça va se diriger? OK, c'est dans un pool, t'as Manitoba, McGill et St. Mary's. Tandis que dans l'autre pool, tu vas avoir les Pats, les Golden Bears de l'Alberta, et Lakehead, qui sont l'équipe haute Lakehead. Donc, tu as trois équipes de la SUO, des sports universitaires de l'Ontario. Et donc, c'est ça. Le premier match, c'est à 2h, Manitoba-McGill. En soirée, UQTR va affronter Alberta. Le lendemain, St. Mary's va affronter... la façon que ça marche, vois-tu? St. Mary's, Lakehead, en n'ayant pas joué la première journée, vont affronter les perdants du jeudi soir. OK, donc, mettons, les Patriots perdent contre Alberta, vont affronter Lakehead. S'ils battent Alberta, vont affronter... eux ont une journée de congé, vont venir affronter... C'est l'avantage de remporter le premier match, parce qu'ils ont une journée de congé pour te reposer. Honnêtement, tu peux pas te permettre de perdre. Si tu veux. Parce que là, ce qui arrive, c'est deux poules de trois équipes, c'est les deux meilleures équipes qui s'en vont en finale. OK, donc c'est... Deux matchs. C'est ça, t'as seulement deux matchs. C'est do or die. C'est vraiment. Faut que tu passes avec ça. Tu peux pas te permettre d'en échapper une. Donc, ce qui arrive avec ça, c'est que là, dans ce cas-là, mettons, les Patriots gagneraient, auraient une journée de congé et affronteraient Lakehead samedi. Vois-tu ces matchs-là? C'est tout diffusé. En plus, c'est diffusé sur SSN Canada. Je veux juste me souvenir du site, là. Si vous cherchez le site, de toute façon, là, je vous conseille d'aller sur l'inconduitedepartie.com, notre site web de l'émission, pour ne pas le plugger. J'ai écrit un texte il y a à peu près une semaine et demie sur la victoire des Patriotes. C'est en bas, vous allez voir. Streaming Sports Network Canada, c'est... Je vous donne l'adresse, là. SSNCanada.ca. Donc, tous les matchs vont être diffusés sur Internet là-dessus. Le site SSN, dans le fond, qui est un site... j'imagine qu'il est... En tout cas... La CIS paye pour être là-dessus. Il y a plusieurs matchs. D'ailleurs, je pense que, si je ne me trompe pas, les finales de soccer, j'en avais parlé, tu sais, la Fédération québécoise de sport étudiant va avoir ses finales de soccer ici même à Trois-Rivières dimanche. Oui. Ça va être diffusé là-dessus. C'est supposé, du moins, être diffusé là-dessus, à ce qu'on m'a dit. Moi, je vais être l'annonceur maison. Ah, l'annonceur maison. Eh oui, je me suis fait offrir ce poste-là hier. Donc, j'ai hâte de voir ça, ce que ça va donner. Donc, c'est ça. SSN Canada va diffuser tous les matchs. C'est juste de savoir à quelle heure les gars vont jouer. C'est tout à mieux de le savoir. Donc, c'est ça. S'ils remportent le premier match, les Patriots vont rejouer le 27 mars contre les Lakehead à 7h le soir. S'ils perdent le premier match contre l'Alberta, vont affronter les Lakehead le lendemain à 7h30, donc jeudi soir. Vendredi soir. Par contre, honnêtement, tu peux pas te permettre de perdre, comme je disais. Si tu perds contre l'Alberta, faut que tu espères que Lakehead l'emporte contre l'Alberta. Mais c'est un tournoi vraiment... t'as pas de lendemain, là. Puis arrive préparé à ta game parce que ça va vite, là. C'est l'espace de un match. Et c'est ça. Donc, et les deux équipes vont finir au top de leur pool. Vont s'affronter en finale. C'est à 7h dimanche. En direct là-bas de Lakehead. Lakehead qui a des foules à peu près 3 700 places environ dans l'aréna. Un changement que 300 personnes ici. 300 personnes ici et un peu partout à travers même. T'as vraiment des disparités énormes dans la SUO entre Nipissing, Lakehead qui font des grosses foules, qui font bon, on est 2500 en moyenne, 3000. C'est comme un marché comme Québec dans le junior majeur, ça on peut comparer. Ouais, si on veut. Mais c'est sûr que Lakehead, Thunder Bay, t'as rien d'autre à faire, là, honnêtement, là, c'est plate. Nipissing, c'est pareil. Là. North Bay, Thunder Bay, là, c'est pas là que je vais quand je vais aller m'amuser, là. Non. On s'entend, là. Tu vas pas là, toi, Nick. Ben non, je suis pas, un maniaque, là, North Bay, là, ou Thunder Bay. Mais en tout cas, on va voir. Donc, c'est ça, ça, c'est les horaires. Je me suis entretenu hier avec Jacques Laporte, l'entraîneur des Patriotes. Donc, je me suis entraîné entretenu par téléphone. Et il va, vous allez entendre. Et j'ai même un petit scoop que j'ai su à la fin. Donc, je vous invite à écouter ça. C'est sûr que la qualité est un petit peu moins bonne, là, c'est par téléphone. Avant votre départ, là, dans le fond. Ouais. Écoute, j'y vais comme ça. Genre qu'on s'en va au championnat national. C'est quand le départ, là? Demain, mardi. Donc, on prend l'avion de Québec qui nous amène à Toronto et de Toronto à Thunder Bay. Donc, demain, à 6h30, on sera tous les 32 membres de l'équipe dans l'avion. 6h30 soir? Oui. Parfait. Donc, écoute, je voulais savoir, bon, ben, dans votre pool, deux équipes, Lakehead et Alberta, vous n'avez pas affronté cette année. Comment on fait pour se préparer? Ben, écoute, c'est ça. On a des vidéos un peu qu'on peut voir sur les matchs sur SSR, qu'on appelle ça. Mm-hmm. Là. Donc, on peut voir ça là-dessus. Et puis, on a de l'information aussi que j'ai surtout pour l'équipe de Western, d'autres coachs dans la ligue qui ont joué contre eux aussi, donc qui me donnent de l'information. Mais vraiment, dans un tournoi comme ça, je pense qu'il faut d'abord et avant tout mettre l'accent sur notre équipe à nous, sur ce qui nous a emmenés jusque-là, sur les forces à nous autres. Oui, on tient compte un peu des particularités des autres équipes, mais c'est vraiment on fait en sorte qu'eux aient à s'ajuster à nous et non pas le contraire. OK. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur du côté de Lakehead ou Alberta? Les deux, pour deux raisons différentes. D'abord, l'Alberta aussi sont champions dans l'Ouest, puis qu'écoute, année après année, autant que les Pats, ils sont championnats canadiens de façon très régulière. Je pense qu'à 11 ans, moi, je suis là, ils n'ont manqué deux, je pense. Donc, ils sont là année après année. C'est une équipe qui a beaucoup de continuité, mais aussi beaucoup de vécu, beaucoup d'historique. Et pour ce qui est de Lakehead, ben, pour les avoir vus l'année passée, parce qu'ils étaient chez eux, il n'y avait pas une grosse équipe comme cette année, mais jouer là, c'est intimidant. C'est la foule derrière eux. Ça va être un aréna bondé à pleine capacité de 4000 personnes. Oui, c'est ça. Des grosses foules là-bas. Partisans au coton. Donc, ils vont sûrement les aider à mettre les dans tout ça, donc c'est pas chose facile, et surtout si on perd le premier match, on sait que il faut absolument gagner le deuxième, c'est pas évident, puis même si tu gagnes le premier puis tu joues le samedi, c'est do or die aussi, fait que écoute, la marge de manœuvre est très très très mince. Hey, j'ai ça entre les branches, Québec-Montréal, ça a l'air que les gars auraient visité ça hier, c'est peut-tu hier aujourd'hui? Oui, on arrive de là. OK, c'est ça, j'ai entendu. On arrive de Montréal, ouais. Est-ce qu'on a été visiter ça? Oui, on est allé s'entraîner avec eux autres, là, parce qu'on savait pas comment se ferait la série, là, avant le match d'hier, là. C'est sûr qu'elle est finie dans le sens, mais les gars de Montréal et de Québec, ils s'entraînent quand même toute la semaine parce qu'il y a un match, là, ils étaient payés d'abord toute la semaine, parce qu'il y a un match la semaine prochaine contre les anciens Canadiens et les anciens Nordiques. Donc, les joueurs des deux équipes s'entraînaient. Nous, on est allés là ce matin. On a rencontré aussi les entraîneurs Carbonneau, Brisebois, Boisvert, qui sont adressés à nos joueurs pour un peu décrire l'esprit d'un climat gagnant, de ce que c'est d'être gagnant de la Coupe Stanley, c'est ce que c'est que ça donne après, quoi faire pour y arriver, etc. Donc, je voulais que mes joueurs entendent ce discours-là. Donc, c'était Jacques Laporte qui nous a livré ses commentaires par rapport au tournoi qui s'en vient, par rapport aussi, comme je disais, avec Québec-Montréal, les joueurs qui ont été rencontrés, les entraîneurs de la série, question de se faire péper un peu. C'est sûr que de recevoir un speech de quelqu'un qui a gagné une Coupe Stanley, ça te met sur la piste de qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut pas faire. Donc, comme je disais, les équipes, vois-tu, on a Alberta. Je vais parler un peu des... c'est sûr qu'on n'a pas une tonne d'informations en tant que telles sur les joueurs. Pas sur les joueurs, mais je devrais dire sur les formations en tant que telles. Vois-tu. En série, pour Alberta, les joueurs qui sont le plus démarqués durant les séries, t'as Sean Ringrose, t'as Jesse Gimblett, et t'as Eric Hunter. Eric Hunter, qui, je pense, si je me mélange pas, a été drafté, a été repêché dans la Ligue nationale. Donc, quand même pas mauvais. Au niveau de... ça, c'est sûr. Chez Manitoba, ben, vois-tu, c'est Blair McCauley. Blair McCauley, qui est arrivé junior majeur, qui est un joueur quand même... je te dirais qu'il avait un beau potentiel. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec lui. Ça n'a jamais levé pour lui. Il a joué à différents endroits. mais ça n'a jamais été, en tant que tel, le joueur qui aurait dû devenir des saisons de 21 points, 18 points, 27 points avec, dans le, avec les Blades de Saskatoon, avec les Americans de Tri-City. Donc c'est ça, il a même pas joué sa saison de 20 ans, vois-tu, dans la WHL, dans la Ligue de l'Ouest. Mais vois-tu, en série 6 points, 6 matchs, donc des bonnes statistiques. Moins de puissance offensive du côté de l'Ouest, ou en tout cas, du jeu plus défensif, je devrais dire. T'sais, un peu comme la Ligue du Jovageur, les saisons de Simon Gamache avec 422 buts puis 3340 passes. Là. Tandis que dans l'Ouest, c'est un peu moins. Mais c'est pareil aussi dans la CIS. C'est plus calme au niveau des attaquants. Mais vois-tu, mais non, très très bon. Très très bonne. Il y a des très bonnes équipes. Ça va être à suivre. En tout cas, là-dessus, c'est Mentoba. Puis vois-tu, dans la saison, Chad Klassen de l'Alberta avait ramassé 46 points en 28 matchs. Donc, ça, c'est un petit peu comparable. C'est à la série que le jeu se resserre énormément. Donc, c'est les joueurs gardés du côté de Manitoba et du côté de l'Alberta. Du côté de Saint-Mary's qui ont gagné la AUS, donc les Atlantic University Sports, les sports de l'Atlantique, là, la conférence sportive de l'Atlantique. Les joueurs gardés de leur côté, bon, ben, vois-tu, on en a parlé beaucoup. Mike Denton, qui est le joueur, sans dire le joueur à surveiller, mais un joueur qui est le nom le plus connu en tant que tel dans cette région-là. Mike Denton, qui a déjà joué pour les Blues de Saint-Louis, qui a aussi joué pour l'équipe de la prison de Saint-Louis, ouais. Du Missouri. Le meilleur joueur de la prison. Ben, j'en doute pas, hein, écoute. Mais c'est ça, donc lui qui est sorti de prison l'an dernier et qui a décidé de retourner aux études. Et ça va bien pour lui. Écoute, championnat national, accès au championnat national sa première année, c'est bon pour lui. Je suis content pour lui. D'autres joueurs à surveiller, Kyle Doucet, Marc Rancourt, très très bon joueur du côté de Saint-Mary's, du côté des Huskies, qui vont être sûrs à surveiller d'après moi. En tant que tel. Donc, on continue. On y va avec Lakehead. Bon, ben, du côté de Lakehead, durant la saison, ils ont une formation quand même pas pire. Au niveau des gardiens de but, par contre, c'est un peu plus difficile. J'ai parlé avec beaucoup de gens qui ont été déçu des performances de leur équipe cette année, vois-tu. On retrouvait Kyle Muir, tu t'appelles-tu de Kyle Muir? Non. Qui avait gardé les buts, si je ne me trompe pas, pour Prince-Édouard. C'est genre celui qui a le plus de départs dans la Ligue junior majeure du Québec. Kyle Muir? M-O-I-R. Elle dit rien. En tout cas, c'est pas grave. C'est pas plus grave que ça. Donc, en tout cas, j'espère que je me trompe pas de joueur. Là, mais... ouais. J'en suis pas mal sûr, c'est ça. Donc, Camion, vois-tu? Non, je me trompe. Excusez-moi! Hein? Et voilà. Non, eh oui, c'est pour ça que t'es perdu. Tu comprends pas, du moins. Ouais. Camion, vois-tu, a joué avec les Broncos de Swift Current pendant 5 ans en tant que tel. Il a été repêché en 5e ronde par les Prédateurs de Nashville en 2004. Donc, c'est ça. C'est une équipe correcte, Lakehead, mais qui, si tu veux mon avis, les Patriots sont facilement capables de battre. Ça devrait être très, très, très faisable de leur côté. Si, mais tu sais, ça va tout à dépendre. Comme j'ai dit, c'est une game, un seul match. C'est là que ça se décide. Ça va être plus difficile. L'autre équipe dans le tournoi, bon, ben, on les connaît pas mal plus, c'est McGill. McGill et leur leader, Francis Veropol, qui a vraiment tout brûlé cette année. Vraiment tout brûlé. Là, là-dessus, on peut pas changer ça. Donc c'est ça. On peut aussi parler là-bas, pas là-bas, mais pour les McGill, on peut parler de Alexandre Picard-Hooper qui complète le trio avec Veropol, qui s'est vraiment démarqué cette année. Guillaume Doucet, comme je dis. Et on a d'autres joueurs, Marc-André Dorion et bon gardien de but en Hubert Morin en tant que tel. Donc ça va être intéressant. Et la 5e équipe, ben écoute, c'est les Patriots. Bien sûr. Ce qui m'inquiète un peu chez les Pats, c'est les blessures. On était amoché pas mal dans les séries. Ouais. C'est pas une équipe totalement en forme qui s'en va là. Ça va être à voir. Je sais qu'il y a des joueurs clés qui jouent blessés. Donc, on va regarder ça. On espère le mieux. On espère des matchs favorables. Par contre, en partant contre Alberta, ça sera vraiment pas facile. c'est plate, mais si j'avais à faire une prédiction, moi, pour remporter tout, là, ouais. Je pense qu'en finale, ça va être Alberta McGill. À partir de là, ça peut aller des deux bords. Je pense qu'Alberta a un très, très, très bon club. McGill est capable d'emporter, par contre. Patriot, ça va vraiment dépendre de à quel point ils réussissent à se présenter, à quel point ils réussissent à sortir fort, puis ça va être ça en tant que tel. Je sais pas toi, Pierre-Luc. Ouais, ben moi, de mon côté, je pense que McGill devrait sortir du pôle B, du groupe B. Je pense que ça va être eux vraiment l'équipe à battre de ce côté-là. Mais contrairement à toi, je pense que l'UQTR devrait remporter. Même si ça n'a pas super bien été en séries éliminatoires, on a déjà vécu. Bon, on a déjà eu des meilleures séries là, pour les Patriotes. Je pense que ça va être quand même eux qui vont ressortir du groupe A. Oui, l'Alberta a un très bon club, mais je pense que l'UQTR là, est capable de sortir fort. On l'a vu, la remontée qu'ils ont eue dans le dernier match. Je pense que ça donne une montée d'adrénaline à l'équipe. Puis je pense que ça va beaucoup les aider là, pour le tournoi. Ben, c'est une bonne opinion. Écoute, je dirais que t'as pas tort là-dessus. Hey, j'ai retrouvé que c'est pas Kyle Muir, Ryan Muir, qui avait gardé les buts avec Eddie Press-Edouard. Je voulais absolument me reprendre là-dessus. Donc, écoute, on va aller écouter les commentaires d'un autre joueur des Patriots, André Joannis. Bon, André, qui est en sa dernière saison, qui aurait pu partir l'an dernier, terminer ses études-là, a décidé de revenir. On va aller écouter, c'est enregistré, là, je vous dis, après la victoire contre Western. Donc, ses commentaires, bon, avec l'équipe, qu'est-ce qu'il pense de l'équipe et son futur dans le hockey. Tu as quitté l'an passé, André, avec une game comme ça, tu dois être content d'être resté pour une année de plus. Ben, c'est sûr, c'est la raison principale pour que je suis resté pour une autre chance au championnat canadien. Quand j'ai senti ma carrière, c'est pas mal la dernière chance de me faire valoir et de vivre de quoi de gros, puis avant de tomber sur le marché du travail, puis vivre un peu comme le reste du monde, dans le fond. Là. Donc, c'est sûr qu'il y a une satisfaction incroyable en ce moment de dire que je suis revenu pour une dernière année, puis j'y retourne, dans le fond, avec cette gang de gars-là, parce que il n'y a pas juste le fait du championnat canadien que je suis revenu. C'est une bonne gang de gars, c'est des chums, ça fait pour plusieurs, ça fait, il y a des gars avec qui j'ai joué junior, c'est 7 ans que, tu sais, je sais pas, l'année passée, ça a fini amèrement, puis je vais me donner une autre chance de finir ça en grand, dans le fond. Bon, puis je veux savoir, y a-t-il des équipes ailleurs, professionnelles, qui t'ont approché pour, après l'université? Ben, j'ai pas vraiment parlé avec mon agent, mais j'ai pas vraiment poussé pour ça non plus, là. Je me suis concentré sur ma saison, puis dans le fond, finir mon bac, puis ben, dans le fond, ça a joué au championnat canadien. Okay. C'est là qu'on s'entend, le circuit Ontario, pas beaucoup d'éditeurs qui viennent nous voir durant l'année. Supposément, il y en a eu un ou deux contre McGill, mais ils veulent concentrer leurs efforts quand c'est tous les meilleurs clubs, dont le championnat canadien. Donc, c'est vraiment là que tu showcases, tu risques dans le fond d'au moins de refaire un nom, parce que j'ai passé par plusieurs organisations professionnelles. Quand tu y vas, le monde dit que t'as vécu de quoi, mais en même temps, c'est décevant d'y aller, de passer si proche, puis jamais l'avoir. Donc, tu veux jamais fermer le livre, dans le fond, si tu veux que le rêve continue, puis dans le fond, c'est pour ça que je pousse ça, j'espère. Bon, tu as des bonnes chances là-dessus. Donc, je pense des très bons commentaires, tant que tel, que. Une participation au championnat national, ça peut ouvrir des yeux en tant que tel. Ouais, les Pats ont eu quand même des chances de se... Écoute, je vais avec le terme anglais, se showcaser, si on peut dire, cette année, se montrer. Le match contre la Suède, tu sais, il y avait quelques recruteurs dans la Ligue. C'est sûr qu'on venait... Pas dans la Ligue, mais dans l'aréna. C'est sûr qu'on venait pas mal plus voir l'équipe suédoise en tant que tel. Mais Al McKinnis était sur place, directeur du recrutement chez... chez les Blues de Saint-Louis. Denis Morel du Canadien était là aussi, avec qui j'avais parlé. Donc, on a eu ça. On va avoir le championnat national en tant que tel. On s'est rendu quand même loin. Chez les Patriotes, écoute, puis pour d'autres, le voyage en France va peut-être avoir été payant au niveau du recrutement. Chaque année, il y en a plusieurs qui reçoivent des offres de la France pour aller jouer là. Je pense, si je ne me trompe pas, Tommy Lafontaine et Jonathan Boutin, deux anciens de l'an dernier des Patriotes, sont en France présentement. Donc, si tu veux continuer côté professionnel, de son côté, André Joannis, là, côté, écoute, il est gros Joannis, il a une bonne présence devant le but. S'il fait preuve de discipline, c'est un excellent défenseur. Moi, je serais pas étonné de le voir recevoir après ses études un contrat, se faire offrir un contrat des ligues mineures américaines. Dans à partir américaine. De Ligue américaine, Ligue East Coast ou quelque chose comme ça. Ou peut-être même un contrat de Ligue nationale, ça veut pas dire que tu vas jouer dans la Ligue nationale, mais tu comprends ce que je veux dire. Tu vas au moins avoir été signé. Je serais pas étonné. Reste à voir, bon, lui de son côté, il va finir ses études là. Est-ce que comme il dit, je suis prêt à devenir un homme, ou je suis prêt à devenir un... commencer ma vie normale d'adulte, ou est-ce que... Je suis prêt à devenir un homme. Ouais, non, mais c'est lui qui dit, je suis prêt à... Ben, c'est vrai, là, pareil, là, tu joues encore au hockey, qui peut se vanter à cet âge-là? Écoute, André doit avoir 24 ans, 25 ans, André Joannis, 24 ans. Donc, qui peut se vanter à cet âge-là d'être encore joueur de hockey, puis de jouer au hockey? Jouer dans une bonne ligue, t'sais, pas une ligue de garage. Non, c'est ça, là, donc... Même, tu sais, il y en a qui jouent Ligue nord-américaine, mais que c'est quasiment justement plus une ligue de garage, tu sais. C'est animé. C'est une ligue de garage. Ah, t'es méchant. donc, c'est ça. Hey, c'est ce qui conclut pour les Patriotes. On va à la musique. Juste avant de partir à la musique, je vous rappelle que les finales de foot de soccer collégial, pas collégial, universitaire, c'est disputé cette fin de semaine. Vois-tu, la finale masculine va être à 15h45 ici même à Trois-Rivières au Centre Alphonse-Desjardins. Et la finale féminine est un peu avant, c'est-à-dire à 13h15, c'est entre McGill et les Martlets qui avaient battu les Patriots, entre McGill et Montréal. Alors que chez les hommes, ça va être Concordia contre la vague. Concordia qui s'est rendu là. Wow, c'est surprenant qui ont fini dernier au classement. Eh bien, Concordia l'a emporté 3-2 contre l'UQAM, ce qui est ça, était une immense surprise. Et ils ont emporté 2-1 contre Sherbrooke, donc mettez un 2 sur Laval. Donc, on s'en va en musique, on va aller écouter Sur ton île du groupe Le Nombre. Au retour, on vous commence ça, junior majeur. Vous écoutez l'inconduit de partie sur C'est fou. Même si chaque inonde que je veux vivre avec toi, moi je veux vivre dans le monde. Je faisais déjà sans toi. Je sais que ce n'est pas facile, que nos cauchemars reviennent parfois. Oui, mais nous serons deux pour traverser. Puis d'abord j'ai déjà fait mon choix. Je n'irai pas sur ton île. Le Nombre avec la chanson Sur ton île. Hey, j'ai oublié de mentionner ça tantôt, mais pour les Patriotes, il y a un rassemblement. C'est cet après-midi, midi et demi, 1h. C'est à la cafétéria, Albert Tessier, ici que ça va se dérouler. Allez signer une bannière, encourager les gars, dans le fond. Le recteur va être là, va faire un speech aussi. Donc, leur donner un peu d'encouragement avant qu'ils partent. Et il y a un groupe Facebook, écrivez Patriotes, QTR, Facebook, en tout cas, vous allez trouver. Groupe Facebook pour encourager l'équipe qui part. Donc, allez, ça, on a besoin d'encouragement du côté des Patriotes. Les Patriotes. Exactement. On y va tout de suite avec Hockey Junior. Ben, certainement. On va commencer ça tout de suite avant le break. On va parler des Cataractes, la série Cataractes Victo. Ouais. Et on garde le reste pour après. Bien, certainement. Ben, c'est parfait. Donc, commençons avec les Cataractes. Tout d'abord, vendredi soir, ils étaient en action. Ils commençaient leur série contre les Tigres de Victoriaville au Colisée des Jardins. C'est devant 2256 personnes qu'ils ont joué le match. Et les Tigres l'ont emporté facilement par la marque de 6-2. Mais il faut passer au tir. Les Cataractes qui ont dominé au chapitre des tirs 37-26. Donc Kevin Poulin là a été probablement la grande star du match. Sinon, je pense que ça n'aurait pas été du tout la même chose. Et on parle aussi des avantages numériques. L'attaque à 5 des Tigres de Victoriaville, on en avait parlé dans les semaines dernières, que l'attaque à 5, c'est ça qui allait probablement jouer dans la série. Et dès le premier match, c'est vraiment ça qui a été la différence. Écoute, les Tigres qui ont effectué 3 buts sur 7 tentatives. Donc, c'est quand même excellent. Et les Cataractes qui n'ont pu capitaliser, n'ont pu compter de buts en avantage numérique, 0 en 4 pour nos Cataractes. Donc, défaite de 6-2. Ça avait commencé en première période. Les Tigres avaient pris les devants 3-0 sur des buts de Thomas Kubalik, Philippe Michael DeVos et Chris Doyle. Alors, ensuite, les Cataractes ont réduit l'écart sur un but de Maximilien Le Sieur. Ensuite, on s'en va en deuxième période. Les Tigres qui prennent les devants par la marque de 4-1 sur un but de Travis McIsaac. Tu l'auras jamais, hein? Non, je pense, non, hein? Celle-là, ça c'est comme Tessier. Tessier. J'étais au match l'autre fois avec Sébastien Époux, un ancien collaborateur oui, d'émission. Oui, oui. Puis Travis McIsaac jouait justement pour Victo. C'était Victo Shawinigan. Et lui, il me disait, ah, oh, Pierre-Luc, il l'aura pas. Pierre-Luc, il l'aura. Ben, il y a plusieurs. Je l'écoutais quand j'écoute. Puis non, c'était McIsaac. Non, c'est McIsaac. McIsaac. Pas McIsaac. Ouais, McIsaac. C'est pas grave. On recommence. Je t'écœure. On recommencera plus tard. Donc, ensuite de ça, c'était 4-1 pour les Tigres de Victoriaville quand les Cataractes ont réussi à revenir dans la partie. Je te dirais en fin de deuxième, deuxième période. C'est Pierrick Martel qui a été l'auteur de ce but. C'était donc 4-2 pour les Tigres. On s'en va en troisième période maintenant. Et c'est là que ça a été plus difficile pour nos Cataractes. 2 buts des Tigres. Andrew Nestrasil et Chris Doyle. Chris Doyle qui a effectué son deuxième de la partie. Deuxième but. Donc, victoire des Tigres 6-2. Les grandes étoiles du match, je te dirais Philippe-Michael DeVos. 1 but, 3 passes, 4 points. Ça a été la première étoile du match. DeVos qui a joué un excellent match. Chris Doyle, la deuxième étoile. 2 buts, 2 passes. Avec 4 points. Et Thomas Kubalik a été la troisième étoile. 1 but, 2 passes, 3 points. Donc, je pense que ce trio-là a vraiment fait la différence. DeVos, Doyle et Kubalik. Wow, quelle machine d'hockey. C'est intéressant de voir que c'est 3 différents types de joueurs qui ont produit. C'est-à-dire DeVos qui est à Trois-Rivières, Victoriaville depuis un bout. Ouais. Doyle qu'on a été chercher aux échanges, oui, à la période d'échange. Et Kubalik qui est un joueur importé dans le fond. Donc, tu sais, puis on dit, il y a des fois où est-ce que les joueurs importés rendus à. Ben, ça dépend, là, je veux pas émettre de jugement, je suis pas sûr c'est tout à vrai, mais il y a des fois où certains joueurs produisent pas en série. C'est le fun de voir que les 3 types de joueurs, c'est-à-dire le gars acquéri, le vétéran et l'étranger. Ouais, le joueur porté. L'européen fournit autant que ça. Donc, bonne nouvelle parce que je pense que c'est ça que Victo va avoir besoin ouais, en série. Ouais, certainement. Donc, Kevin Poulin aussi, faut souligner sa performance. 35 arrêts dans le match. Je pense que ça a fait la grande différence. Du côté des gardiens de but des Cataractes, Marc-Antoine Gélinas qui avait débuté le match, qui a été remplacé par Gabriel Girard après le 3e but. Donc, Gélinas qui encore une fois, n'a pas été capable de livrer la marchandise en séries éliminatoires. OK. Puisque Marc-Antoine Gélinas, je pense que c'est une des raisons pourquoi qu'on l'échange. Il a fait, je pense que c'est sa 5e équipe, les Cataractes. Donc, à quelque part, là, c'est parce que il y a peut-être un petit problème à quelque part. Je là, sans, te dis ça. Sans viser normalement. Vois-tu, il a joué à Val-d'Or. Non, Val-d'Or, il n'a pas joué. Il était habillé, là, mais il n'a pas. Il était habillé une coupe de match. Ben, il a zéro match. Il a joué à l'île du Prince-Édouard, Gatineau, Saint-Jean et Shawinigan. Quatre équipes en tant que tel. Ben, Val-d'Or ne l'avait pas gardé. Donc, non, c'est ça. On peut même dire 5 équipes. 5 équipes, c'est ça. Donc, t'es fort. Ouais. Donc, on va continuer dans le deuxième match. C'est samedi, toujours au Colisée des Jardins. Cette fois, ça a été un match beaucoup plus serré. Ben oui. En première période, tout s'est joué en première période, je te dirais. Tout d'abord, les Cataractes qui ont pris les devants. Deux buts de Philippe Paradis. Philippe Paradis qui a joué un excellent match, qui a été la grande vedette du match d'ailleurs, qui a été l'auteur des deux buts des siens. Quand Paradis décide de jouer, c'est pas la même chose que quand il est un petit peu plus, un petit peu moins présent mentalement, on dirait. Ouais. Ça, c'est sûr. Et Travis Mikazak. Non, tu l'as pas pareil. Donc, il a été l'auteur du but des Tigres. Ça roule dans ta bouche. Mikazak. Mikazak. Ah, that's it. On l'a, là. On travaille là-dessus à la maison. Ouais, on devrait l'avoir d'ici 4-5 ans. Quand il va être dans une nationale. Puis, Donc, ça s'est terminé de cette façon. Donc, tous les buts ont été comptés en première période. 2-1 pour les Cataractes sur les Tigres de Victoriaville. La série est maintenant égale 1-1. Et dans ce match-là, encore une fois, les Cataractes qui ont eu plus de tirs que les Tigres. C'est quelque chose qui est très surprenant. 41-33. Pour les Cataractes. Donc, les Cataractes qui dominent quand même dans les tirs, dans les deux matchs. C'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris, puisque les Tigres ont quand même une offensive assez forte. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est très surprenant. Ouais, j'ai parlé avec un ancien joueur des Cataractes, Tommy Gauthier, qui jouait l'an dernier qui jouait avec les Cataractes jusqu'au temps de Noël, dans le fond, qui me parlait de son entraîneur, Eric Veilleux, qui disait que c'était un excellent motivateur, son ancien entraîneur, devrais-je dire. Un excellent motivateur, quelqu'un qui est capable de rallier ses troupes et de les faire produire en série. Donc, écoute, je ne sais pas quel genre de speed tu as pu lâcher au début, mais vraiment très, très, très... les gars sont arrivés pour jouer. Là, de dominer de même dans les tirs, là, c'est sûr que ça ne dit pas toute la partie en tant que telle. Et, plus que 40 tirs contre une machine comme les Tigres, là, c'est excellent. C'est vrai. C'était Gabriel Girard dans les buts? Oui, Gabriel Girard, c'est lui qui a gardé les buts. Donc, on a fait confiance on a décidé de mettre Gélinas encore une fois de côté. Gabriel Girard, on se rappelle l'an dernier, qui avait joué 3 matchs en séries éliminatoires. En finale contre les Vultures de Drummondville. Il avait très, très bien fait. Donc, je pense qu'on a fait confiance à Gabriel Girard pour cette raison. Je pense qu'on savait qu'en série, il était capable de livrer la marchandise. Donc, il faut encore souligner la performance de Kevin Poulin. 39 arrêts dans le match. C'est excellent. Une chance que Kevin Poulin est là parce que je pense que les Tigres seraient en sérieux danger dans cette série jusqu'à maintenant. Donc, la série est égale 1-1. Ça se transporte ce soir et demain au Centre Bien-Ness alors que les Cataractes et les Tigres de Victoriaville joueront leur 3e et 4e match de la série. Ça risque d'être très, très enlevant et je pense que probablement que le Centre Bien-Ness va être full. Prédiction pour ce soir? Prédiction? Moi, je m'attends à un rebondissement des Tigres de Victoriaville. Ouais, moi aussi. Je pense que les Tigres devraient... ça va déjà en début de première période, je pense que les Tigres vont y aller fort. Puis peut-être que les Cataractes vont baisser les bras, là, même s'ils sont à la maison. J'ai hâte de voir justement si Yannick Jean va être capable de rallier ses troupes. On sait que Yannick Jean n'est pas le meilleur entraîneur en série en tant que tel. Ben, Yannick Jean, je pense que si les Tigres ne vont pas loin cette année, je crois que sa tête va y passer. Tu penses, toi? Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'avec à quel point le futur est hypothéqué du côté des Tigres. Puis on n'a pas gagné de série depuis 2002 là, à Victoriaville. Certains diront qu'on n'a peut-être pas dû donner Olivier Hinze non plus. Non, Olivier Hinze qui va très très bien du côté de Québec. Donc, ça c'est sûr. Puis on a eu Guillaume Goulet, on a eu d'excellents joueurs, mais on a quand même hypothéqué là, notre avenir parce que c'était des joueurs que dans le futur vont être là encore chez les Remparts, ce que les Tigres n'auront pas. Oui, exactement. Donc, on s'en va une pause. Au retour, on continue à parler de tes séries éliminatoires à travers la Ligue. Bien, certainement. Ben, c'est parfait. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur C'est fou. C'est fou de musique à découvrir. C'est fou de musique à découvrir. C'est fou de la scène émergente. C'est fou de peine émergente. C'est fou de la musique. C'est fou de la musique. C'est fou 89.1. Bonjour, c'est Pierre-Alexandre Mandal. Vous écoutez Inconduite de partie sur C'est fou. Et c'était Airborne avec la chanson No Way But The Hard Way. Ça fait ACDC pas mal, hein? Ouais. Airborne, justement, qui est un groupe, si je me trompe pas, là, ça vient d'Australie aussi. C'est très, très, très similaire avec... au niveau des sons, au niveau des tunes, au niveau du beat, je trouve que c'est très ACDC. Même la première fois que j'avais entendu ça sur leur ancien album, leur album précédent, j'étais sûr que c'était ACDC même, mais c'est bon, moi je trouve que ouais, du bon rock de même. Il n'y a rien de mal à faire de quoi qui ressemble à ce qui a déjà été fait tant que tu y mets ta propre sauce. Sébastien Proulx aurait été content, je pense. Ah, ça Proulx aurait été très content. Il aurait arrêté de chialer pour une fois. Donc, on continue ça pour les séries, Pierre-Luc. Oui, on y va avec les Voltigeurs de Drummondville, ben, qui, à leur tour, je pense qu'on le savait comme un peu l'an dernier, les Voltigeurs qui allaient probablement l'emporter facilement sur les Maniacs de Lewiston. Et c'est carrément comme ça que ça s'est passé jusqu'à maintenant. Premier match vendredi soir au Centre Marcel Dionne. En première période, les Voltigeurs qui prennent les devants 1-0 sur un but de Marc-Olivier Vachon. Ensuite de ça, on s'en va en deuxième période. Les Voltigeurs qui rajoutent un deuxième but, c'est Sean Couturier. Ensuite, les Maniacs qui réduisent l'écart à 2-1, c'est Samuel Carrier qui est venu compter le but. Et ensuite, c'est la débandade. Deux buts des Voltigeurs, Di Domenico et Philippe Lefebvre pour mettre la marque 4-1 pour nos Voltigeurs. Ensuite, les Maniacs qui réduisent l'écart à 4-2, c'est Mikael Lincoln, l'ancien des Saguenayens. Et ensuite, les Voltigeurs de Drummondville qui l'ont vraiment, je te dirais, carrément défoncé les gardiens de but. Marc-Antoine Desnoyers, Gabriel Dumont et Marc-Olivier Vachon ont chacun compté un but en fin de troisième période pour porter la marque à 7-2. Victoire facile de 7-2 des Voltigeurs de Drummondville. Écoute bien ça, Nicolas, dans les tirs. 51-17 pour les Voltigeurs de Drummondville. Adrien Lemay, là, qui sentait le robert après le match, d'après moi. Il devait se sentir un peu tout seul aussi. Ouais, un petit peu tout seul, pas mal. Je te dirais 17 tirs seulement par les Maniacs de Lewiston. Donc, Jake Allen qui n'a pas été très, très occupé dans ce match. Donc, Marc-Olivier Vachon a été la grande vedette du match. 2 buts, 1 passe. Di Domenico aussi qui va très, très bien. 1 but, 3 passes. Et Marc-Antoine Desnoyers, 1 but, 2 passes. Donc, les grandes vedettes du match de vendredi soir. Et on se transporte samedi, bien sûr, pour le deuxième match de la série. Toujours au centre Marcel Dionne. Et les Voltigeurs de Drummondville qui, en première période, ont tout simplement recommencé le match comme ils l'avaient terminé. 4 buts, Gabriel Dumont, Sean Couturier, Jonathan Brunel et encore une fois Chris Di Domenico ont été les marqueurs en première période. Ensuite de ça, la deuxième a été beaucoup plus tranquille. La troisième période, on a vu Stéphane Fournier des Maniacs qui est venu réduire l'écart à 3 buts. Mais les Voltigeurs de Drummondville qui ont capitalisé avec un but de Gabriel Dumont. Victoire des Voltigeurs de Drummondville 5-1. C'est pas une surprise de voir les Voltigeurs l'emporter aussi facilement. Aucunement. On s'attendait pas vraiment à ce que les Maniacs donnent de l'adversité au Voltigeur et c'est pas le cas du tout. Pour l'instant, Chris Di Domenico qui a 7 points en 2 matchs, donc ça va très très bien pour Christopher Di Domenico qui il est huge. Il a l'air d'un bœuf, il est tellement rendu massif au niveau des corps. Hein. Ça, c'est sûr qu'il a passé, je pense, sa dernière année à s'entraîner beaucoup. Et ça paraît. Puis ça paraît aussi sur la glace. Je pense qu'il avait hâte de jouer. Puis ça paraît dans son jeu. Écoute, Domenico aussi qui a eu un record d'équipe en séries éliminatoires avec le plus de passes. Donc lui qui est maintenant rendu à 37 passes. Donc record d'équipe chez les Voltigeurs de Drummondville en séries éliminatoires. Lui qui en est seulement à sa deuxième année pour les Voltigeurs. C'est sûr que les Voltigeurs ont quand même été très très loin l'an dernier. Ont gagné même le championnat. Donc c'est en 7 matchs là, pour la série finale. Ben oui, l'an passé en série, en 15 matchs, il a fait 4 buts, 31 passes pour 35 points. Donc, et cette année en série, bon ben tu l'as dit, 7 points en 2 matchs. Donc, 7 points en 2 matchs, ça va très très ça bien. Ça va bien pour le choix de 6e ronde des Maple Leafs de Toronto. Ouais, je pense que Di Domenico va pouvoir peut-être faire la différence là, pour les prochaines séries, la 2e ronde, etc. Parce que sans Di Domenico, les Voltigeurs ne seraient pas ce qu'ils sont. À ce point-là, tu penses, toi? Ouais, tu penses que les Couturiers et Vachon, c'est pas assez pour faire marcher cette équipe-là? Ben oui, là, c'est sûr que c'est assez pour faire marcher contre des petits clubs. Mais quand on va affronter les gros clubs comme Moncton, Victoriaville, je pense que c'est là que Di Domenico va vraiment faire la différence. OK. Donc, comme on l'a dit plus tôt, les Voltigeurs mènent 2-0 dans la série. Ça se transporte encore une fois mardi et mercredi du côté de Lewiston. On va parler des autres séries aussi. On va faire le tour un peu des autres séries, même si c'est pas nécessairement à côté de chez nous. Mais je pense que c'est important qu'on en parle. On parle tout d'abord des Remparts de Québec. Les Remparts de Québec qui, dès le premier match, ça a été plus difficile pour eux. On s'attendait pas à ce que le Titan soit aussi soit aussi bon, je te dirais, puisque les Remparts, là, surprenant, l'en ont arraché. Surprenant. Mais je pense que c'est plus les Remparts qui en ont arraché. On pense à des joueurs comme Stefanovic, Kougrichev, qui ne produisent pas comme on le voudrait. Je pense que les Remparts ont quand même été chanceux. On est allé chercher un gros but en prolongation de Olivier Hintz. Donc, 2 buts, 2 passes pour Olivier Hintz dans la partie, 4 points. Donc, les Remparts de Québec qui l'emportent 6-5 en prolongation. Ça n'a pas été facile. Et Patrick Roy qui était en furie après le match. On peut d'ailleurs écouter ses commentaires. C'était des suivants. S'il y en a que ça leur tente pas, que ça en aille. Si Stéphane Lemieux veut aller en Bélarussie, là, qu'il calisse son camp en Bélarussie, puis si Kougija veut s'en aller dans le Clifton de Washington, qu'il s'en aille tout de suite, puis que, etc., etc., qu'il fasse. Est-ce que Patrick... Alors, c'était Patrick Roy qui était à beau. Ouais, vraiment. Je dirais que les médias de Montréal se posaient la question, est-ce que Patrick Roy était trop sévère envers ses joueurs? Mais ça, c'est pas nouveau que les médias de Montréal demandent des choses comme ça. Il n'y avait pas grand-chose à parler cette semaine, les médias de Montréal, parce que les Canadiens jouaient pas avant. Un match de moins, ils jouaient pas dans la semaine. D'un autre bord, je vais dire good. Parlez-en du junior majeur. Ouais, parlez-en, mais c'est tout le temps mal, disent les Québécois. C'est tout le temps comme ça, Patrick Roy, Patrick Roy. Non, mais je veux dire, c'est pas parce que c'est à Québec, c'est parce que c'est Patrick Roy. Ben, ça serait Richard Martel. Ben, je montre, ils sont comme habitués, c'est normal, mais quand c'est Patrick Roy qui sort de ses gonds, c'est différent. Moi, j'aime pas nécessairement l'attitude des médias de Montréal. Je pense qu'on a vu à Québec, c'est tellement différent. Moi, j'écoute beaucoup les médias de Québec. Je lis beaucoup les médias de Québec aussi. Puis on trouvait ça tout à fait normal. Puis on aime ça que Patrick Roy, crime, il en sorte puis il réveille ses joueurs avec des speeches comme ça. Ça t'en prend, puis le speech qu'il a fait devant les caméras, etc., c'est un speech qu'il a fait dans la chambre avant. Là. Ben c'est oui. pas il est pas arrivé puis il a sorti. Ah ça non, devant. Mais... Non, j'ai déjà. Ça arrive souvent que mes coachs vont utiliser. Parce que là, Patrick Roy, là, pas un épais, là. Non. Il sait qu'il utilise des médias pour faire passer son message. Puis c'est son but, ouais. là. Voyons, le speech qu'il a fait là, ça serait dû se régler en dedans de la chambre. Ben, ça se serait réglé là. Mm. Et c'est pas nouveau, un coach qui utilise des médias pour faire ça. Gars, Éric Veilleux, la semaine passée, qui dit en joie de même Ken Dryden dans les buts, ça aurait rien changé, là. Ça a dit non, là. C'est paf, gars. Parce que tu t'attends à ce que cette ligne-là soit en première page du Nouvelliste le lendemain. Mm. Ou en tout cas, dans la première page de sport. Puis ça, ton joueur, il regarde ça, puis il fait ben, calvaire, peut-être qu'on a joué comme des épais. Mm. Puis, gars, début de saison, début de série que les Cataracos. Mm. En ont remporté une sous deux, on a dominé dans les tirs. C'est pas nouveau, là. Non. Je sais pas pourquoi. Oui, ça se fait pas bien avec le Canadien de Montréal, mais... C'est de la Ligue nationale. C'est de la Ligue nationale, mais c'est ça. Mais junior majeur, faut que ton point passe plus. C'est des kids, là. Des fois, les kids, faut que tu leur rendes ça un petit peu plus fort dans la tête c'est parce qu'ils comprennent pas. Puis toi, qu'est-ce que t'en pensais de ça, de la sortie de Patrick Roy? Est-ce que tu pensais que c'était... Enlève le sac, puis c'est bien comme faut. Qui calisse son camp. Ouais, c'est ça. Enlève ça, là. Parce que ça, c'est un petit peu pire qui sait son camp, là, qui l'avoue son camp, là, qui calibine son camp. Là. Bon, ben, ça, c'est peut-être juste ça qui est venu me pincer un petit peu plus. Pour le reste, c'est le genre de speech qui peut te motiver. Ben oui. Je pense que ça a été de très, très bonne augure de ce speech parce qu'à la deuxième partie, c'était vendredi, les Remparts sont sortis beaucoup plus forts. Oui! On jouait toujours en déficit de 1 but, ensuite 2 buts. Mais on remontait la pente. Puis c'est encore une fois Olivier Hintz qui est venu marquer le but en prolongation. 5-4, donc 2 victoires en prolongation pour les Remparts. 2-0 dans la série pour eux. Je te dirais que ça aurait pu aller d'un bord comme de l'autre. Mais les Remparts ont été chanceux. Puis c'est ça les séries éliminatoires. Un but peut faire la différence. Puis et voilà. Ah ouais, tu réussis à fermer ton jeu. Tu sais, c'est que les gars, en série éliminatoire, les gars qui, bon, des fois, vont en donner un petit peu moins en série, mais c'est là qu'ils se lèvent, puis qui vont en donner puis plus en série. Aussi, il y en a tout le temps qui vont s'asseoir, mais c'est pas ces gars-là que tu veux faire jouer le plus souvent. Non. Comme on pense à Stefanovic qui... C'est pas mieux, là? Ça a pas été mieux dans le deuxième match? Non, ça a pas été mieux dans le deuxième match, qui a été benché, d'ailleurs, un peu, je te dirais, là, dans le deuxième match. Donc, Stefanovic qui devrait se reprendre, parce que c'est un futur, là. C'est un futur, mais pas livre, ça. C'est un 20 ans. ça? Ouais, 20 ans. Il prend 20 ans européen, donc il prend quand même deux spots, assez importants. Ouais, chez les Remparts, certainement. Il y en a certains qui disaient que Stefanovic, lui, ce qu'il veut, c'est que les Remparts soient éliminés pour aller jouer tout de suite avec les Marlies Toronto. Tant qu'à ça, comme le dit... Mais il peut pas, là. Non, tant que l'équipe n'est pas éliminée. Ben, comme l'a dit Patrick Roy, tant qu'à ça... Ouais, mais en tout cas... Qui calibine son camp. Ouais, c'est ça, qui calibine son camp. Donc, Remparts 2-0 dans la série, ça se transporte encore une fois mardi et mercredi. On se transporte maintenant à Rimouski, alors qu'il recevait les Saguenayens de Chicoutimi. Je vous dirais que dans cette série-là, c'est pas très très serré. Dans le premier match, ça a été quand même plus serré. Gleason Fournier a compté le but en prolongation pour donner la victoire 4-3 à l'Océanique de Rimouski sur les Saguenayens. Dans le deuxième match, samedi, ça a été une toute autre affaire puisque les Océaniques l'ont emporté facilement par la marque de 9-3. Mathieu Populus, Alex Belzile et Ryan Cavana ont été les grandes vedettes du match. Du côté des gardiens de but à Chicoutimi, on sait, c'est Robin Gus, le jeune de 16 ans qui est devant les buts. Donc, on a un petit doute là pour les Saguenayens devant les buts. C'est rare que les gardiens de but de 16 ans ont eu du succès en séries éliminatoires dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et encore une fois, on le voit, Robin Gus qui en a arraché là, dans le deuxième match contre l'Océanique de Rimouski, qui n'ont quand même pas le plus gros club de la Ligue. Là. Mais qui ont un club que intéressant. Ouais. Bonne offensive, qui va se rendre en deuxième ronde et qui, on sait jamais en deuxième ronde, mais qui a un petit club intéressant cette année, qui regarde bien pour l'an prochain, je trouve. Ouais. Contrairement à tout démolir comme on a fait les années précédentes, là, avec Rimouski, qui finit deux ans de fil dans le bas de la cave, là. C'est intéressant ce qu'on voit du Bas-Saint-Laurent. Oui, ça c'est sûr. On se transporte maintenant du côté de l'Abitibi-Témiscamingue, alors que les Foreurs de Val-d'Or et les Huskies de Rouyn-Noranda s'affrontaient. C'est la bataille de la 117, je crois, si c'est bien ça. Exactement. Je suis pas pire. Donc, premier match, surprise. Les Foreurs de Val-d'Or qui l'emportent facilement par la marque de 7-4. Marco Scandella a 3 points dans la victoire. Simon Lacroix, 2 buts. Alexandre Touchette, 1 but, 3 passes. Ça a bien été du côté des Foreurs en premier match. Ça a été vraiment une surprise, je pense, pour tous. Hein? De voir les Foreurs sortir aussi fort que ça contre leurs grands rivaux de toujours. Et dans le deuxième match, ça a été... C'est revenu à la normale, si on pourrait dire. Les Huskies de Rouyn-Noranda qui l'ont emporté 5-3. Jordan Caron, 2 buts dans la victoire. Dimitri Kostromitin, 1 but, 2 passes. Donc, les Huskies de Rouyn-Noranda qui égalent la série 1-1. Mais ça se transporte maintenant du côté de Val-d'Or. Donc, on le sait à Val-d'Or, c'est quand même une foule assez... qui bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup dans les foules à Val-d'Or, je dirais, en séries éliminatoires. Surtout dans des matchs contre les Huskies de Rouyn-Noranda. Je dirais que c'est le genre de match que j'aurais aimé assister. Entre les Huskies et les Foreurs, là, ça doit brasser pas mal. Dans une shack, dans l'aréna. Ouais, c'est sûr que là, on parle pas... Mais il a été rénové, Val-d'Or. Val-d'Or a été rénové. C'est Dave Keehan qui traîne toujours de la Ouais. Part. Ben moi, je suis allé dans les deux. Deux. Ouais, j'étais allé dans les deux. C'est laid, hein, Dave Keehan. Hein? C'est laid. Hein? C'est laid. Longtemps, hein? Mais cool, voulez-vous, on est à Rouyn-Noranda à 10h de... Ah, c'est pas grave, ça. Tu peux avoir un gars à Shawinigan. Ouais. T'es pas... C'est un trou, puis une belle arena. T'es pas en plein milieu nulle part. Puis, gars, quand tu donnes un peu de volonté, t'es capable de faire des belles choses. Ouais, ça, c'est certain. On continue avec les Olympiques de Gatineau et le Junior de Montréal qui s'affrontaient. Premier match, le Junior de Montréal qui l'ont emporté 3-2 en prolongation. C'est Eliezer Sherbatov qui a eu le but gagnant en prolongation. Dans le deuxième match, les Olympiques de Gatineau qui se sont relevés, qui l'ont emporté 4-2 sur le Junior. C'est Ty McGinn qui a eu le but gagnant dans la victoire. Lui qui a amassé un but, une passe. Maxime Clermont qui a joué un excellent match face au Junior. Moi, je pense que la différence dans cette série-là va peut-être se jouer dans les buts. Maxime Clermont, qui est probablement un des meilleurs gardiens de but de la Ligue, affronte Jean-François Bérubé, qui a plus ou moins de l'expérience. Donc, je pense que ça devrait jouer de ce côté-là. Mais hier soir, c'était le troisième match de la série et le Junior de Montréal qui l'ont emporté 5-2 sur les Olympiques de Gatineau. Donc, ça a très, très bien été de leur côté pour le junior. Deux buts pour monsieur Trevor Parks. Donc, c'est 2-1 dans la série pour le junior. Le deuxième match aura lieu ce soir, toujours du côté de Gatineau. On se transporte du côté des Maritimes, les matchs probablement les plus intéressants avec les plus grosses puissances de la Ligue. Tout d'abord, les Sea Dogs de Saint-John dans le premier match face aux Rockets de l'Île-du-Prince-Édouard l'ont emporté par la marque de 8-3. Victoire facile pour les Sea Dogs, mais le Rocket qui s'est relevé au deuxième match, qui l'ont emporté 6-3 sur ces mêmes Sea Dogs. Benjamin Cazavant, 2 buts, 1 passe. Et Samson Mabod, 3 passes. Donc, la série est égale 1-1. Ben surprise oui. Aussi, encore une fois. Mais moins une surprise, je te dirais, puisque le Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard, on le sait. C'est pas une mauvaise équipe, là. Ouais, c'est ça, exactement. Dernière série, les Wildcats de Moncton et contre les Screaming Eagles de Cap-Breton. On s'attendait, bien sûr, à ce que Cap-Breton montre beaucoup d'adversité face à ces mêmes Wildcats, mais pour l'instant, ce n'est pas qu'est-ce qui s'est passé du tout. Premier match, victoire des Wildcats de Moncton, 6-3 sur les Screaming Eagles du Cap-Breton. Keisley Tessier, 3 buts, 1 passe dans la victoire, donc je pense que c'est la grande vedette du match. Il doit quand même se plaire, lui, je pense, à Moncton, devant sa famille et ses proches. Donc, il s'apparaît dans son jeu, probablement. Et deuxième partie, les Wildcats de Moncton, victoire facile, 6-0. Donc, c'est Marek Harvick, 2 buts, 2 passes dans la victoire des Wildcats. Les Wildcats qui mènent la série 2-0. On se transporte encore une fois du côté de Cap-Breton. On dirait que les Screaming Eagles ne seront pas capables de rivaliser contre une équipe comme les Wildcats de Moncton. Ça va pas très bien de leur côté. C'est ça. Ensuite de ça, je sais pas si on avait un peu de temps pour parler des trophées. Je vais quand même le prendre. Oui, prends-le vite. Ça a été remis donc à la fin de la saison. On sait les trophées importants. Donc, premièrement, les Sea Dogs de Saint-John qui ont reçu le trophée Jean Rougeau qui est décerné aux champions du calendrier régulier. Ils ont aussi reçu le trophée Luc Robitaille qui ont amassé le plus de buts durant la saison avec 309 buts. Les Wildcats de Moncton, de leur côté, ont remporté le trophée Robert Lebel. Ça, c'est décerné à la meilleure moyenne défensive de la Ligue. Et encore une fois, du côté des Wildcats, David Savard a remporté le trophée Kevin Lowe, qui est remis au meilleur défenseur défensif. Ensuite de ça, Peter Straka a remporté le trophée Michel Bergeron, remis à la recrue offensive. Et du côté de Drummondville, Gabriel Dumont a remporté le trophée Guy Carbonneau, qui est remis au meilleur attaquant défensif. Il y a tellement trop de trophées dans le junior majeur. Ouais, puis ça, c'est sans compter ceux qu'on va avoir après. Série, puis... Tu sais, meilleur joueur recru offensif, meilleur joueur recru défensif, Défenseur défensif. Ça fait vraiment comme on veut que tout le monde ait un trophée. Ouais, on voudrait récompenser un peu tout le monde. Tout le monde veut ton petit trophée, là. Belle participation, là. C'est pas une ligue de quilles, là. C'est une ligue de hockey. Ouais. Tu sais, on dirait une ligue de quilles pour enfants. Tout le monde a son petit trophée, sa petite médaille, puis tout le monde est heureux. Voyons, on gagne. Ben, c'est ça. Meilleur défenseur, meilleur joueur offensif, meilleur recrue. Ben ouais. Si t'as un gardien de but, un meilleur recrue, ben, c'est un gardien de but. Puis... Ouais. Ben, tu sais, comme le trophée Luc Robitaille et trophée Robert Lebel, c'est ça, qui sont remis au plus de buts, à l'équipe qui ont amassé le plus de buts et à l'équipe qui ont eu la meilleure moyenne défensive. Je trouve que c'est un peu abusé, là, des trophées, comme tu le dis si bien. Je pense que juste le trophée Jean Rougeau pour le champion du calendrier régulier serait en masse pour donner à une équipe complète, là, et non tous ces trophées... Bidon. Comme tu dis. Donc, c'est bon? Oui. Ben c'est parfait. On va aller à une pause. Au retour, JP Grenier, Smile à nous, c'est le cas de dire. Donc, on va parler plein de petites nouvelles qu'on a à travers le monde. Et on garde March Madness pour... il est 10h07, on a du retard. Hein? On se garde March Madness pour plus tard, là, vers 1h30. À peu près qu'on va parler de ça. Donc, Pierre-Luc, on va analyser... J'ai sorti ma braquette. On va analyser les choix de braquette à Pierre-Luc. Ben oui, certainement. Donc, vous écoutez l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. C'est fou, comme un balai. Un chandail ici là, que je peux plus sentir, qui m'écœure. Le numéro 13, là, décroche-moi ça tout de suite. Personne s'en sert à soir. Le conduit de partie. Et c'était We Are Wolves, nous sommes loups, avec la chanson Magique. Vous êtes à l'écoute de la conduite de partie sur les ondes de C'est Fou. Pour nous joindre en studio, c'est le live commercial et conduitedepartie.com. Pour nous joindre pour lire ce que j'ai écrit sur Internet et tout ça, là, c'est quoi? Hein? C'est www.inconduitedepartie.com. Se joint à nous présentement en direct de Sherbrooke le légendaire Pierre-Luc Jouy, ici, comme d'habitude, je me mélange. JP Grenier, comment va-t-il? Bon matin, les boys. Ouais. Ça va? Moi, j'ai de la misère avec Mika Isaac. Toi, t'as de la misère avec nos noms. Hein? Eh oui, ça, je te le donne amplement. Tu pourrais pas avoir plus raison. Alors, JP, comment tu te sens en ce début, cette fin de mars neigeuse? Ben, c'est plutôt pluvieux ici, là. T'es-tu sérieux? Ouais. Ah, nous autres, on a... Il mouille vraiment gros, là. On a un beau petit tapis de neige, nous autres. Ah, OK. Écoute, je suis désolé, gros, je voulais pas... Ah, c'est correct, là. Je voulais pas te blesser, je voulais pas... Non, mais... T'es correct? Faut que ça fonde. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, avec l'hiver de M qu'on a eu, là... Ah, ben, moi, je suis pas déçu de l'hiver. Moi non plus, pas du tout. Ouais, non, je sais bien, mais moi, je me dis, tant qu'à avoir un hiver aussi bien qu'il soit neigeux et... Tu sais, ben correct, là, disons, ça tombe à gros flocons, là, je regarde par la fenêtre présentement. Ouais, pis, c'est enneigé. Enneigé, là. De toute façon, on est rendu au printemps, messieurs. Ben non, mais c'est ça que je veux dire, là. Là, c'est correct, là. Mais tu sais, mais ça qu'en février, il en tombe 3-4 fois des 25 cm, là. Ah, oh, pas moi. Ah, ben là, vous êtes pas faites fort, les filles. Ah. Hey, on y va avec des petites nouvelles comme ça. On va y aller avec Midget 3, Pierre-Luc. Ouais, ben, Eratum, la semaine dernière. Eratum, hein, comme tu t'es ouais, je me suis ératé. Ératé, ouais, ératé pas mal, hein? Ouais, donc, les estacades qui ne sont pas éliminées, ils ont repris l'action pour la Coupe Dodge. Ils sont éliminés des séries. Éliminés des séries, ouais, mais pour la Coupe Dodge. Explique-moi ça. Pour remporter le championnat provincial. Donc, en étant éliminé... En étant éliminé des séries éliminatoires. Ça leur donne une chance quand même de remporter la Coupe Dodge, qui est la Coupe provinciale au niveau provincial. OK, donc ils sont envoyés vers ce tournoi-là. C'est ça, okay. Carrément ça. Ils affrontent les Commandeurs de Lévis. Dans la série, premièrement, dans le premier match, les Commandeurs de Lévis qui l'ont emporté. Et les Estacades qui se sont repris dans le deuxième match et qui le... Attendez un petit peu. L'Internet n'est pas très rapide. Non, je le sais, moi aussi. Donc, je n'ai pas le résultat du match, mais ils ont quand même remporté le deuxième match. C'est Maxime Saint-Cyr qui a marqué le but en prolongation. Mais à la suite de cette victoire, dimanche, samedi, ils les ont perdu. Donc, c'est 2-1 dans la série. Pour les Commandeurs de Lévis, il va falloir se relever là, du côté des Estacades. Parfait. De mon côté, écoutez, je vous parle de basketball. JP, on parle du March Madness, tout ça, mais il faudrait quand même parler un peu de la version canadienne de ce tournoi-là. Oui. Oui, donc, comme je l'ai dit, c'était le... comment ils appellent ça, sais-tu? C'est le tournoi de la CIS, mais il n'y a pas... Il n'y a pas de nom en tant que tel, comme un peu on va aux États-Unis. Oui, il n'y a pas un thème spécial ou j'essaie de voir si ça pourrait, mais non, ça semble pas avoir un nom. Donc, c'est les Huskies de la Saskatchewan qui ont remporté le championnat par la marque de 91-81 au départ des Thunderbirds de la Colombie-Britannique, UBC dans le fond pour les intimes. Ça se déroulait à la place Bank Scotia, donc l'aréna des Sénateurs d'Ottawa. Donc on peut parler donc c'était gagné. Du côté du Québec, ben vois-tu l'UQAM qui représentait le Québec à ce tournoi, les Citadins, il était classé 8e, ça a pas été un très bon tournoi pour eux. Ce qui arrive dans ce tournoi-là, c'est que quand tu es éliminé, quand tu perds ton match, tu n'es pas nécessairement éliminé, il y a des finales de consolation puis des choses comme ça. Donc ils ont disputé un match pour essayer de se rendre à la 5e position, mais non, ils l'ont perdu 79-74 contre les Lancers de Windsor. Donc, ça n'a pas été un succès pour eux en tant que tel. Malheureusement, du côté de l'UQAM. Autre petite nouvelle dans le monde du sport, JP, toi, as-tu aimé Jesse Jenderson aux Olympiques? Je l'ai pas haï pas en tout. Je l'ai déjà dit, ça a été pas ma révélation, mais c'est pour le gars que j'étais le plus content qu'il gagne la médaille d'or. Oui, c'était le gars qui... En beauté. Oh, c'est ça, quoi, exactement. Donc, il l'a annoncé, Jesse Jenderson, officiellement, prend sa retraite suite à cette saison. 34 ans. Ouais. T'sais, on peut carrément parler d'un pionnier là, en tant que tel. Pour le sort des neiges au Canada, c'est le pionnier. Le pionnier en tant que tel. Donc, il a marqué son sport, ça c'est certain. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Pierre-Luc, et j'aurais aimé ça, écoute, qui continue. T'sais, ça donne des bons résultats, mais content pour lui, il va pouvoir prendre une petite retraite. Et il a fini ça avec l'or en plus à sa dernière performance. Donc, quand on dit un gars sans pression, c'est un gars sans pression. Ça, là, pas mal. Ligue nord-américaine de hockey, ben écoute, sont en série. C'est un tournoi à la ronde en tant que tel. Le format de série, ben, ce qui arrive avec la Ligue nord-américaine, c'est qu'il y a une équipe qui a disparu pendant l'année. Ouais, donc, on a fait des séries. Le Caron et Gatorian qui avait terminé il avait terminé quand même au deuxième rang de la Ligue. Ils se sont fait éliminer en série. On disputait des matchs. C'est un tournoi à la ronde. Donc, en tout cas, aucune victoire, zéro défaite. Une défaite en prolongation. Donc, en quatre matchs. Donc, logiquement, ils devraient être éliminés des séries très bientôt. Mais beaucoup de blessés du côté du Coronguay. Donc, ça n'aura pas été un succès pour eux cette année, malheureusement. On va... Bulldogs d'Hamilton, JP? Ouais, ça va bien pour eux cette année. Ben oui, au champion de division. Ils l'ont emporté 4-3 face aux Marlies de Toronto en tir de barrage, ce qui leur a permis de terminer au premier rang de la division nord de la Ligue nord-américaine. Peux-tu me parler un peu de Cédric Desjardins qui sort absolument de... Écoute, jamais on n'aurait pensé... Ce gars-là, à deux fois, il défie la moyenne. Ah, toi aussi, Pierre-Luc. Ben, moi, je trouve que c'est pas une surprise. Personnellement, Cédric Desjardins, là, qui est probablement un des meilleurs gardiens de but de l'histoire des Remparts. Oui, Junior, mais personne ne s'attendait à ce que Cédric Desjardins fasse ben, de quoi? Il signait avec les Canadiens à 20 ans. Puis moi, je m'attendais de le voir là, pour les Bulldogs Hamilton pendant un bon petit bout. Là. Je sais pas s'il va réussir à monter dans la Grande Ligue, mais ça va très bien pour lui là, à Hamilton. Ben, moi, ce que je suis content de voir dans son cas, c'est qu'il y a une progression à chaque année. Ben oui, c'est ça qui me surprend. Il était plutôt moyen au début dans le géant majeur. Il s'est mis à jouer avec des bonnes équipes, Rimouski, Québec, a gagné la Coupe Memorial avec Québec. Ouais. C'est en allé après dans East Coast League. En fait, c'est gravelé les échelons, puis là, il est rendu dans la Ligue américaine, puis il domine. Mmh. Ouais. Ça va être tout un casse-tête là, pour le Canadien plus tard. Ben, tu sais, c'est le genre de joueur que, au contraire, moi, je pensais qu'en sortant de... En sortant du jeu majeur, tu sais, il avait déjà atteint son plein potentiel, puis à partir de là, ça pouvait juste descendre, tu sais. Mais non, vraiment. Félicitations à Cédric Desjardins qui repousse les limites, si on peut dire, pour. Non, c'est vrai. Ouais, écoute, moi, jamais, là, jouer dans les Coast, je pensais vraiment que ça allait être son top, là, puis on allait le voir dans la Ligue américaine dans 2 ans, là. Mais non, vraiment. Félicitations à lui. On est très content pour lui et de le voir performer de la sorte. Donc, je vous parle du Collège La Flèche. Ils disputaient un match cette fin de semaine. C'était contre le Collège Oka à Harrington. Ça se disputait le 19, donc vendredi dernier. C'est une victoire de La Flèche 5-2 sur Harrington. Les marqueurs, Vincent Lompré, 2 buts. Jean-Philippe Leduc, 1 but, 1 passe. Alexandre Dumas récolte 2 passes. André Bouvet, Morissette, 1 but. Maxime Richard, 1 but aussi. Donc, la victoire va à l'affiche de Vincent Duchesneau-Chouinard. Du côté de La Flèche, ben écoute, au niveau des... La saison se termine bientôt. Au niveau du classement, ils sont 3e avec 36 points à 1 point du cégep Champlain à Saint-Laurent. C'est dans le coin de Québec, ça, c'est ça? Ça, Saint-Laurent? Je connais pas ça, c'est un cégep Champlain, non? Ben, oui, c'est ça. C'est Québec, Québec, c'est sur la rive sud de Montréal? Non, mais t'as Saint-Laurent, t'as collège, les Lyons, là, Lyon-Saint-Laurent, là. Y a ouais, des Saint-Laurent, ça, c'est à Québec. Ben, c'est ça. Champlain-Saint-Laurent, ouais. C'est le nom. Ah, ouais, Champlain. Parce qu'il y a environ 9 cégeps, je pense, qui ont Champlain comme nom au Québec. C'est ça le problème. T'es sérieux? Ben, il y en a un à Lenoxville, il y en a un à Saint-Lambert. T'en as un autre à Québec. Mais ça a l'air qu'il y en a un autre à Québec. Moi, j'ai jamais dit Champlain-Saint-Laurent. T'as Champlain College dans l'État de New York. Ouais, TTP. Non, mais il y en a plein. Ah, t'as le pont Champlain aussi. Aussi. Aussi. T'as le vieux Samuel Champlain. De Champlain Samuel de Champlain. Ouais, Samuel. T'as l'école Samuel de Champlain. T'as... on continue ça à dire des niaiseries de même ou on arrête? Non, on arrête, je pense... Toi, t'en penses quoi? T'as-tu d'autres Champlain à nous dire? Ouais, Champlain. Hier, je me suis fait couler un bain, puis la Champlain a baissé. Non, OK, non, c'est Champlain. Ouais. Écoute, donc, pour La Flèche, ça se continue. La saison se termine bientôt. Il aura seulement 2 matchs, c'est-à-dire le 26 et... Sébastien Proulx, notre recherchiste, qui nous écrit pour nous dire que c'est Champlain-Saint-Laurent à Québec. Donc, je savais que j'avais raison. C'est un cégep, dans le fond. Ouais, c'est un cégep. Saint-Laurent, c'est un cégep anglais c'est à ça. Québec. C'est ça. Ouais. Il n'y a pas ben d'anglais au Québec. Ben, il y en a. Il y en a qui vont étudier dans les écoles anglaises au lieu d'étudier dans les écoles françaises. Il y en a eu plusieurs qui envoient leurs jeunes dans des écoles comme ça. Parce qu'on sait, l'anglais est de plus en plus important. Et si on veut travailler dans le domaine des communications et plus, ça prend l'anglais. Donc, il y en a beaucoup qui favorisent l'anglais au lieu du français. It's a must. Ouais. Ouais. Donc, il reste 2 matchs à La Flèche, c'est-à-dire contre Sorel et contre le cégep André-Laurando. Et ensuite, les séries commencent très rapidement, vous allez voir. Et ça va se disputer très rapidement aussi, ces séries-là. Ça va être des matchs... ça se dispute en 2 fins de semaine. Donc, le 2 et le 3 mars. Et ça se dispute ici même à Trois-Rivières. Donc, au pavillon Claude-Mongrain et au Colisée de Trois-Rivières pour la première ronde. Et la deuxième ronde va être disputée au centre récréatif de Rock Forest et au centre Julien Duchamp. Ça, c'est dans ton coin, ça, JP? Ouais. Centre récréatif de... À Fleurimont. Non, OK, Julien Duchamp, c'est à Fleurimont? Oui. Et Rock Forest, bon, ben ça, c'est à Rock Forest, là, dans le fond. Des anciennes... Des anciennes banlieues de Sherbrooke qui ont été fusionnées à l'époque. C'est bien cela? C'est ça. C'est ça. Parfait. Allez, on va à la musique. On va aller écouter un petit peu. Qu'est-ce qu'on pourrait aller écouter? Un peu de Pénélope. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça, Pénélope. Ouais. On va aller écouter Rien à comprendre. Et au retour, on parle March Madness. Oui. JP? J'ai hâte de voir la bracket de Pierre-Luc. Écoute, ouais. Contacté. Je l'ai comptabilisé. On va peut-être souffrir. Vous écoutez la conduite de partie sur les ondes de C'est fou. Dave, c'est une terreur. Ouais, ouais. Dave, c'est un soir. Dave, il est magané. Le conduit de partie. Ouais, ouais. Donc, c'était Penelope avec la chanson Rien à comprendre. JP. Oui. March of Madness. Yep. Écoute, je sais qu'on a dit qu'on allait parler de ça tout de suite, là, mais plus j'y pense, là, plus ça me tente de garder ça pour après la pause. Hein, on va faire nos agaces un peu. Qu'est-ce que t'en penses? De quoi veux-tu parler? La MLS, je sais pas si t'as vu ça, et ses joueurs se sont finalement entendus. T'as-tu entendu parler de ça un peu? J'avais pas vu ça matin, non. Non, OK. Bon, ben écoute, je te sors des nouvelles live là. Ce qui arrivait avec la MLS puis leurs joueurs, c'est parce qu'on parlait de s'en aller en grève, OK? Ce qui arrive dans cette ligue-là, c'est que la ligue est centrale, OK? C'est la ligue en tant que telle qui négocie les contrats pour chaque joueur et non pas les clubs. OK? Donc, si toi, tu sais, t'es un bon joueur, tout, c'est la Ligue. Fait que, tu sais, t'as comme un monopole sur le contrat, tu comprends? Fait que tu peux pas te faire offrir. Pendant que Beckham, lui, se faisait offrir 250, comment? 250 millions sur 10 ans, je pense? À peu près. À peu près, hein? 6-7 ans, là. À peu près, c'était quelque chose comme ça. Bon, ben, eux autres, le reste de la Ligue, bon, ben, toi, tu vois, ben, gars, on t'offre ça. Puis, si t'es pas content, ben, va-t'en en Europe. C'est ça que tu te faisais dire, dans le fond. OK? Là, les joueurs vont pouvoir négocier. Vois-tu, ça s'est fait, là. L'entente a été signée à peu près à 13h samedi, là. Les joueurs, bon, ben, ils vont avoir une meilleure relation avec la Ligue, le syndicat. Donc, les joueurs vont pouvoir négocier ça. Lorsque leur contrat se termine, par contre, ils n'auront pas une pleine, une pleine autonomie, OK? Tu sais, contrairement au hockey, où est-ce que ton contrat est terminé, tu t'en vas où tu veux. Comment ça va fonctionner? C'est une fois que ton contrat est terminé, si tu n'as pas été renouvelé, tu as un repêchage de tous les joueurs qui ont été qui ont été relaissés, si je peux dire, qui n'ont pas de contrat. Toi, tu es repêché, puis tu peux signer avec ta nouvelle équipe. Fait que ça, je suis pas sûr de ce format-là. Je sais pas toi, là. Mais, tu sais, en tout cas... Je suis pas sûr de ça, mais c'est ça. Ils disent que repêchage avec les joueurs dont les contrats sont terminés. Ce que j'en viens à parler, penses-tu que l'Impact va aller à MLS éventuellement? Ben écoute, ils n'ont pas le choix, là. Tu penses, toi, c'est ben, ça? De toute façon, il n'y a pas 3-4 clubs. Les clubs commençaient de plus en plus à quitter toute la Ligue. Les autres, c'était la USL. Ouais, ben c'est ça. C'est ça. De plus en plus, les clubs, là, ils commençaient à... on pourrait dire sacrer leur camp. Les gros clubs, là. Les gros clubs, là, Portland, puis Vancouver. C'est donc, c'est est-ce ça. Est-ce que Rochester avait resté ou... Je pense que Rochester est un club contre qui l'Impact a toujours joué. Je vais aller voir pour Rochester. Il me semble que... Parce que c'est pas si gros que ça non plus, Rochester. C'est non. Pas un marché comme New York, Dallas ou bien Los Angeles. Là. Non, mais les Rhinos ont l'habitude de... Tu sais, ont une foule quand même très... C'est une tradition là-bas, Rochester. C'est une tradition, exactement. Non, écoute, selon le site, des Rhinos sont toujours font toujours partie de la USL. La preuve, c'est qu'ils viennent de battre l'Impact 1-0. Saturday, March, le 20 mars, donc c'était en fin de semaine, qu'ils ont battu l'Impact. Donc, toi aussi, tu penses ça, qu'on n'a pas le choix du côté de l'Impact. Mais il va falloir grossir le nouveau stade. Là, on parle de monter ça à 20 000 places. Parce que c'est possible. Moi, je suis pas allé personnellement, là. J'imagine qu'il y a de quoi de bon à faire, là. Ils ont de la place en place. Ben, c'est prévu pour que ça soit agrandi, là. Il y a un côté où il n'y a pas d'estrade. C'est justement prévu pour ça, là. Une extrémité de terrain, là, en tant que tel, là. Mais c'est pas là que va être le problème. C'est, je me demande juste si on va être capable de mettre 20 000 personnes dans un stade avec des billets qui n'auront pas le choix d'être plus chers. Ça, c'est sûr et certain. Je pense que ça peut marcher à Montréal avec quoi la MLS, c'est... peut-être une quarantaine de matchs par saison? Ben, si c'est 20 matchs à la maison, un peu comme les Alouettes, je vois pas pour... Ben, les Alouettes, c'est moins que ça, mais je veux dire, c'est comme un happening. Je vois pas pourquoi. Là, le monde de Montréal ont quand même embarqué. C'est sûr que avec une foule d'environ 70 personnes au défilé des champions, c'est sûr que c'était pas fort, mais en même temps, avec toutes les communautés étrangères qui sont à Montréal, je vois pas pourquoi ça marcherait pas, là. Surtout au cours des dernières années, le stade il est plein à chaque match, même s'il fait pas beau. Puis... Ouais, non, c'est vrai. Non. Mais la seule affaire, je me dis, moi, c'est. Ça va être un atout, justement, les communautés, parce qu'il y en a plusieurs qui disent bon, ben, le soccer de la MLS, moi, je m'en fous, parce que. Pas de la MLS, mais de la USA, parce que c'est un niveau plus bas. Mais avoir la top league en Amérique du Nord, ça pourrait être bon, par contre. Mais en même temps, tu dis que ça va être plus cher. Est-ce que tu as une idée, les billets? Non, je pourrais pas te dire, mais c'est une impression que j'ai, que je me dis ça. 40-50$. C'est ça, ça va. Non, pas tant que ça, là, mais peut-être un 25$ au lieu d'un 15$. Là. C'est pas cher d'aller voir l'Impact. Là. Non, c'est sûr. Pas cher pendant tout. Bon, on s'en va une pause. Je te coupe. Hein. On s'en va une pause et au retour, on parle pour de vrai March Madness. Vous écoutez la conduite de partie sur les ondes de CIF. Vous voulez, c'est vous, la radio de l'université. Ta langue de château. 89. Je vous ai à l'œil tweet, toi, hein? La plus petite affaire, puis je vous sors de la game. Je veux du jeu propre, je veux pas de troupe, et je vous suspends tweet, moi. Écoutez l'hymne national! L'œil conduit de partie. We'll be right back. Franz Ferdinand avec la chanson This Fire. Ça, c'est bon, j'adore ça. J'adore Franz Ferdinand. On y va, JP. On saute dedans à pieds joints. March Madness 2010. Le tournoi le plus surprenant, probablement depuis plusieurs années, au niveau des résultats. Exactement. Plusieurs surprises déjà. Oui, en effet. Vas-y donc. Vas-y. Donc, surprends-nous. Surprends-nous, exactement. Là, pour ceux qui ne savent pas, on est déjà rendu au Sweet 16. Ça, c'est les 16 meilleures équipes qui restent. Je vais aller vite avec les surprises. Là. Commençons par la surprise numéro 1, Kansas. Ben oui. Qui était favori de loin. Et de loin, hein? Je veux dire qu'il était sur... moi, il était numéro 1. Ben moi, tout l'art de buster ma braquette, là, c'est fini. Moi, mon tournoi, là, il me reste Kentucky. Moi, je dis qu'au moins 85% du monde avait mis Kansas champion, là, dans ceux qui avaient fait une braquette sérieuse, parce qu'on sait qu'à toutes les années, il y en a qui en font à peu près 20. Ouais. Puis ça s'est, tu sais, n'importe quoi, là. T'en as-tu juste une, toi, ou t'en as... Moi, j'en ai rien fait, rien qu'une. OK. Moi, j'en ai deux. Mais bon, tu sais, comme mon Final Four, il y avait trois des quatre équipes, c'était les mêmes. J'avais Kansas champion les deux, donc ouais, c'est fini pour moi. J'ai crié, mettons, samedi soir quand j'ai vu ça. Je fais ben non, tu me En même temps, j'aime bien quand les grosses équipes se font sortir, là. J'haïs pas ça. Ah ben oui, c'est sûr. C'est sûr que pour nous autres, nos brackets, c'est moins le fun, mais pour le spectacle, c'est vraiment le fun. Puis de voir cette gang-là, Northern Iowa, qui sortent de nulle part. Je sais même pas s'ils sont classés dans les 50 premiers au pays. Quelques fermiers, des blancs. T'as-tu vraiment dit ça? Ouais. Ouais. Vois-tu, j'essaie de voir s'ils sont classés, là. Eh ben non, en effet, hein, Northern Iowa, des pétates, là. Mais il y en a plusieurs qui favorisaient Northern Iowa facilement sur UNLV, sur Las Vegas, mais pas autant que ça, là. C'était à foutre à terre, ça, là, comme résultat. Moi, j'avais mis la Université de Nevada, Las Vegas, UNLV, je les avais mis gagnants, justement, contre eux autres. Donc, ouf, t'étais, là, t'étais loin, planté, hein? Là. Écoute, après la première journée, j'étais dernier. Ça a mal parti. T'étais on dernier? Faut dire que j'étais avant-dernier, moi, c'est ça? On est... À peu près, là, ouais. On suivait pas loin. On suivait pas loin, hein? Les autres surprises, vous êtes vite de même, Ohio. Gang contre Georgetown. Mais oui, Georgetown ça... qui était troisième, les Hoyas. J'avais, moi, vois-tu, moi, pour ça, j'avais, pour cette région-là, j'avais Kansas contre Georgetown en finale. Donc, je l'avais prédit. Mais oui, on va en reparler de ta braquette, ouais, Pierre-Luc. Ouais, tu m'écœures un peu. J'ai hâte de voir ça. Continue-nous avec les résultats. Sinon, dans les autres, la semaine passée, je sais que tu avais gros misé sur UTEP. Ouais, ouais. Ils aimaient bien, mais ils ont perdu. Ouais. Butler. Et ils se sont fait planter, hein. 77-59. Et oui. Pas un gros match. Et oui. Et sinon, une autre surprise là, qu'on s'attendait pas en tout, là. Ben Villanova, qui sont enfin sortis. Premier match, ils avaient pas été fort. Avaient gagné la peau des fesses contre Robert Morris. Ben, c'est ça, les Colonials de Robert Morris. Ouais, David... Là, on était là, ils vont tenir le coup. Ben, papa en tout, ils se sont fait sortir par les Gales de St. Mary's. Des Australiens, eux. C'est des joueurs qui, en majorité, viennent de l'Australie. Ah, donc, ouais? Ouais, ouais, exactement. Donc, c'est surprenant. C'est une belle petite équipe. Présentement, il y en a peut-être qui disent qu'ils pourraient réaliser l'exploit là, de là, 3-4 ans avec George Mason. Mason exactement, ouais. Puis peut-être se rendre... Pas jusqu'à la toute fin, mais au moins dans le Elite 8. Ça, c'est les 8 meilleures équipes. Sinon, j'aime bien ce qu'on voit de Cornell. Oui, ben oui, Cornell, la Ivy League qui représente cette année. Exactement. Des gars qui viennent de là, dans NBA, j'en connais pas vraiment. Je sais qu'il y a Ryan O'Byrne du Canadien qui vient de là. Oui, en effet. Mais sinon, c'est une petite équipe, tu sais, qui fait son chemin, puis... joue défensivement au bout, sauf que, écoute, là, joue avec passion et énergie, c'est ce qui vont les rendre, les amener loin. Là. Ils sont bien coachés. Sinon, il y a toujours mon équipe, Duke, il faut que j'en parle, ben, ils sont vas-y, encore là. Vas-y. Écoute, une excellente équipe, sauf que là, ça va être le gros test. Là. Les rendre contre Purdue, puis peut-être après Baylor, moi, c'est ce que je pense. Mais la porte est grande ouverte pour aller au Final Four, d'autant plus que Kansas, c'est plus là. Donc, même chose que Kentucky. Moi, si je peux donner une petite prédiction, quoi qu'à date, ça s'est pas révélé très, très bon pour moi, parce que, vois-tu, moi, j'avais sorti Duke contre Californie, puis J'avais Texas A&M contre Villanova en finale de la région sud. Donc, les deux équipes sont éliminées. Et tu avais mis Villanova dans le Final Four. Ben oui, j'avais Villanova dans mon Final Four avec Kentucky et Kansas. OK, on voit que ça va vraiment mal pour toi. Oui, ça va très mal. Et j'avais Pittsburgh aussi. Ah. Oui. Ouais, non, tu comprends. Fiez-vous pas sur mes résultats cette année, c'est pas fameux. J'avais aussi Marquette. Je sais plus Marquette, là. Ouais, non, j'ai choisi Washington sur Marquette, moi. Ah, c'est bon. Ouais, j'ai prédit ça. Mais regardez Baylor. Baylor pourrait être très surprenant et venir sortir Duke. Je serais pas étonné. Les Golden Bears. Les Golden. Et pour ceux qui ne seraient pas à la maison ou en auto, c'est rare, là, les chances d'avoir une braquette parfaite. Là, ils estiment ça à une chance sur 92 milliards. Milliards? Oui, que toutes tes équipes là, gagnent une contre l'autre puis que tu aies une braquette parfaite. Non, c'est sûr que c'est pas facile, là, je te dirais. Regarde, t'as plus de chances de gagner à la loterie. Ouais. Là, c'est juste pour dire, fait que ton million, là, si t'es américain puis tu l'as une parfaite, là, ben tout simplement chapeau. Vois-tu, il parlait de ça. ESPN a eu 4,8 millions de braquettes qui ont été faites sur ESPN.com. Pas ceux de Yahoo, là. Non, ESPN. Combien étaient parfaits après juste la première journée, là? Pas la première ronde, la première journée, là. Il en restait 56. 56 sur 4,8 millions, oui. Je crois que ça fait, mais. Ça fait pas beaucoup. C'est un pourcentage très, très bas. C'est même toi, v'là 3-4 ans, qui n'avait eu quand même une bonne. V'là 3-4 ans, écoute, après la première ronde, j'étais 31 à 32. J'étais 8e sur Yahoo, sur quoi? Mettons 2 millions, tu sais, 3 millions? J'étais 8e sur Yahoo, ça veut dire qu'il y avait 7 personnes qui étaient parfaites après la première ronde. Donc, ça, on... Écoute, j'étais fou comme la... C'est pour ça que je dis qu'il doit en faire 20, puis mettre ça n'importe comment, juste pour avoir une chance, là. Ah ouais, une chance au million, mais quand même, là, oublie ça, là. Mais non, moi, je préfère m'en faire une ou deux, puis la faire sérieusement, faire mes recherches, puis tout, comme j'ai fait cette année, puis totalement me planter. Ah, moi aussi. Moi aussi, j'ai mis ça comme ça. Check Jimmy. T'avais-tu d'autres... finis ça, là, puis après ça, on va aller parler de Pierre-Luc puis de sa braquette. OK. Donc, on sait que dans le Midwest, Kansas s'est éliminé. Qui pourrait, genre, remporter cette division-là? Je mets gros sur les chances d'Ohio State avec leur géant d'à peu près 7 pieds 8, là. Un blanc, c'est un Européen. Un pivot, dans le fond, là, il fait juste dominer. On le voit peut-être dans NBA plus tard. OK. Ohio State, sont très solides. Sinon, j'aime bien... Tennessee, je les avais mis au début. Michigan State, sont mal chanceux. Leur gros joueur s'est blessé. Ouais. Donc, Lucas. Sauf que d'un autre bord, en se prenant contre Northern Iowa. C'est vrai. T'en as une facile. Sa blessure, est-ce que c'est grave ou... C'est 4 à 6 mois, là. Ah, oh, 6 balles, OK. C'est fini, là. Ah, c'est fini pour lui, là. Tu peux pas bénéficier d'une semaine de repos pour... Exact. Boy. Donc, il y a des fortes chances que ce soit Tennessee ou Ohio State qui sort de la section Midwest. Exact. Ouais, OK, en effet. Donc, c'est ça. Hey, on va en parler. On va en parler de la braquette. Écoute, JP, je regarde ta braquette, je regarde la mienne. Toi, dans tes choix parfaits, là, t'es 29 en 48. C'est ça. OK. Moi, je suis une petite affaire meilleure que toi. J'ai 31 en 48. Et Pierre-Luc, qui connaît absolument rien là-dedans, qui a pas été lire, j'y ai donné la feuille hier, puis j'y ai dit, tu vas me remplir ça au hasard, selon tes feelings, parce que, tu sais, c'est tout à une question de feeling, on se comprend là-dessus. Ouais, ouais. Avec les numéros, puis... Avec les fiches. Les préférences d'université. Ah, ouais, Sainte-Marie. Non, mais il connaît... Ouais, toi, t'as pris Sainte-Marie, c'est parce que tu pensais que c'était celle d'Halifax, j'imagine. Non, je savais qu'il y avait une université aux États-Unis, mais j'aime bien les universités de Sainte-Marie. Écoute, je te donne ses résultats. Il est 32 à 48. Il me bat d'un point, il te bat de 3 points. Ça fait chier, hein, ça? Qu'est-ce qu'il y a dans ces surprises? Bon, écoute, je te dis ça. Il a choisi Northern Iowa, mais monsieur avait Kansas jusqu'au Final Four. Donc là, il s'est tiré dans le pied. OK? Monsieur a choisi West Virginia, fait que là-dessus, ça va bien pour lui. Son Final Four, je vais dire c'est quoi son Final Four. West Virginia, Kansas, il a pris St. Mary's. Monsieur a été prendre St. Mary's, astic. J'y colle St. Mary's sur Richemont, ça va. Qui accorde contre Villanova, je tombe sur le cul. Il l'a. Puis il a pris St. Mary's sur Duke, fait que... Ça va être intéressant à voir, hein? Vois-tu, il avait choisi Old Dominion sur Notre-Dame. Il avait choisi Washington sur Marquette. J'essaie de t'en trouver un autre qui est déjà chez. Il a choisi Brigham Young, par contre, qui sont faits sortir Floride. Par Kansas State. Okay. Ouais, sur Floride, mais il les a choisis contre Kansas State aussi. T'avais beaucoup de confiance à Brigham Young, hein? T'es, ouais, on dirait qu'il m'inspirait. Il aime les Mormons. Ouais, t'as l'université de Mormon, ça, hein? Ah. C'est en Utah, ouais, exactement. Monsieur a choisi Xavier jusqu'au. Jusqu'à contre Brigham Young, dans le fond, en demi-finale du Midwest. Donc, ça, c'est encore bon pour lui. Il a choisi Murray State contre Vanderbilt. Par contre, il avait choisi Butler, mais il avait choisi Murray State pour aller jusqu'à Syracuse, qui s'est planté. Sur les choix de Syracuse, ça va bien. Par contre, Syracuse contre BYU. Donc, il fait des points avec ça. Et où est-ce qu'il a fait d'autres points de surprenant? Maryland, non, c'est pas mal ça au niveau de sa braquette. Donc, quand même des choix très surprenants de la part de Pierre-Luc qui, je le rappelle, ne s'y connaît aucunement là-dedans. Le hasard fait bien les choses, comme on dit. Eh oui, comme on dit, mais je la trouve moins drôle. Moi, Tu l'avais prédit en plus que j'avais un feeling, mais il avait pris San Diego State par contre. Avoir pris Tennessee, il y avait Georgetown après, donc. Mais très intéressant, on va garder sa braquette. Je vais la garder dans le studio. Je veux comparer avec, dans les semaines à venir. C'est peut-être là que ça va se mettre à tenir, par contre. Le fait que tu connaissais moins les équipes, bon, à la fin, quoique on les connaissait quand même, Poppy, toi puis moi, JP, puis il m'en reste juste une dans mon Final Four, donc. Moi, il m'en reste encore trois. Là. Ouais, t'es pas si pire, toi, là-dessus. Toi, tu vas faire des points sur le long terme. C'est ça. Puis ce genre de braquette-là, l'affaire, c'est que. Plus tu avances dans les rondes, plus ça vaut des points tes victoires. Ouais. OK? Donc, à la fin, je pense que c'est 32 points si ton final four. C'est là que je vais me rattraper. Ouais, t'es bien parti pour te rattraper. Quoi que tu peux encore te faire sortir, tes clubs peuvent encore se faire sortir. Mais je pense à ça, puis ce qui serait cool, c'est impossible à cause du voyagement. Mais à la fin de la saison junior au Canada, ce serait le fun d'avoir genre un tournoi de ce genre-là, un match suicide. Ouais, vraiment. Il y a assez d'équipes pour le faire. C'est vraiment intéressant. D'un autre bord, regarde le championnat national universitaire, c'est un peu ça. C'est-à-dire que t'as les champions de la Canada West, de la SUO, puis de l'Atlantique. T'as les trois champions, puis t'as trois, si on peut dire, at-large, si on veut. Mais t'as pas 64 équipes. Non, je le sais, mais t'as pas 64 équipes, point. Je comprends ce que tu veux dire, là, mais c'est parce que le hockey puis le basket, c'est pas la même affaire. Tu peux jouer t'sais, autant de matchs que ça, tandis qu'au hockey... Ben non, écoute, ça peut être long, hockey, non, c'est... parce que d'un autre bord, tu parlais de ton voyagement, mais gars, c'est pas mieux ça, là. Le je veux dire, tu pourrais avoir bon des games qui se jouent à Montréal, d'autres games qui se jouent à Halifax, d'autres games qui se jouent. Mais là, tu ferais venir, mettons, les Giants de Vancouver à Halifax. Ben, d'un autre. Jouer deux matchs puis s'en aller. D'un autre bord, est-ce que l'Université de la Californie joue à. À Buffalo? Oui, mais comment font d'argent avec ça? Ah, oui, là, t'as raison. Ça, là-dessus. On en parlait, je lisais ça là-dessus, là. Ils disent que c'est l'événement au niveau publicité, coût de publicité le plus lucratif après le Super Bowl, le March Madness. En finale, c'est 1 million la pub pendant une annonce. Pendant un match, je veux dire. Non, ça là-dessus, c'est sûr qu'au niveau voyagement. C'est pas mal moins facile, c'est sûr. Faudrait, ben, c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est juste que ça se passe entre ligues à la place de... Mais je suis pas sûr que ça marcherait dans CHL. Je suis pas sûr du tout. En tout cas, on part ça, puis on start ça. Je vais aller en parler à M. Courteau, puis M. Branch, puis je vous reviens avec ça la semaine prochaine. Super. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est parfait, ça. Donc, merci beaucoup, JP. Tu nous tiens au courant la semaine prochaine sur tous ces développements-là et savoir si Pierre-Luc continue à nous faire mal comme ça à notre orgueil. Salut, JP. Salut, JP. Bonne semaine, les boys. Bonne semaine. On y va avec le calendrier. Je l'ai dit, le championnat national canadien, ça commence, c'est ce jeudi. Les parties sont sur sssncanada.ca. Si vous voulez voir ça, les parties de samedi et dimanche sont sur Rogers Sportsnet. Regardez les résultats. Ça va décider quand les matchs sont disputés en tant que tel, les prochains matchs pour les Patriots. Leur premier est à 7h30, si je ne me mélange pas. Ce jeudi, donc ça commence ça. OK, Junior, Pierre-Luc. OK, Junior, ben on sait, les séries se continuent avec les Cataractes qui recevront à leur tour les Tigres de Victoriaville. C'est ce soir et mercredi soir, c'est à 19h. Deux matchs de suite contre les Tigres. Je pense que le Centre Bionès, il va avoir de l'ambiance dans cet aréna-là ce soir et demain. Et j'invite tous ceux qui aiment le Junior à aller voir parce que ça va être de l'excellent hockey. Exactement. Et je vous rappelle qu'il y a une rencontre, un meeting en tant que tel, midi et demi, une heure, à la cafétéria de l'université pour encourager les Patriotes. C'est une bannière qui va être affichée dans la chambre lors de leur voyage à Thunder Bay. Ouais. C'est tout pour les congés de partie. N'oubliez pas aussi aujourd'hui d'aller voter pour les élections de l'AGE, très important. Donc aujourd'hui et demain, voter pour les élections de l'AGE, très, très important. Exactement. Pour Pierre-Luc Giroux, Nicolas Ducharme, ça c'est moi Nicolas Ducharme, et JP Grenier, on vous souhaite une bonne semaine. Hein? Ouais. Nous joignez www.conduitdeparti.com. On se laisse en musique avec le groupe Bravo Funkin, la chanson Les Animaux. C'était les conduits de partie. Bonne semaine tout le monde. Salut, bonne semaine. Cette madame bleue qui court partout me fait sourire à mourir. Je respire. Une boule de feu qui brûle tous les pas de danse dans ma transe zoologique. Et moi qui mange dans ton cœur, et toi qui s'assois sur ma place.